source de bonheur parfait. Pour magnifier ton saint nom, exalter ta grandeur et te rendre gloire, car tu es digne d'honneur et de louange. Tu es le prince glorieux. Devant toi, tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur. Alléluia. La sainteté, bonsoir et bonjour chez vous. La sœur Karine, bonjour. Bonjour. Comment tu es pensif comme ça? Tu as peur des bandits chez toi? Bonsoir aux sœurs et aux frères. Bonsoir. Le frère Camille, comment tu vas? Bonsoir et bienvenue. Frère Camille, où il a disparu? Non, je suis là. Bonsoir, comment tu vas? Hein? Tu vas bien? Oui. Et Stéphanie, comment elle va? Elle va bien par la grâce de Dieu. Amen. Où est la Mais il y a un retour, de son. Ok. Il y a un retour de son, hein? Oui. Attends, je me déconnecte pour me connecter. Ok. Il y a un retour de son. Ok, non, ça va aller. C'est bon maintenant, n'est-ce pas? Oh, oui. C'est bon maintenant, n'est-ce pas, mon frère Camille? Oui. La sœur Suzanne, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. La sœur, c'est... Comment ma sœur s'appelle encore? Attends, je vais trouver. Ne parle pas, je vais trouver. Faut que ça me revienne. C'est la sœur Augustine. Sœur Augustine, bonsoir. Augustine. Augustine, bonsoir. Bonsoir, Ma mémoire ne m'a pas trompé, n'est-ce pas? Où est la sœur de la Roche? Les enfants dorment là-bas certainement déjà, n'est-ce pas? Alors la sœur Suzanne, comment tu vas? Parle-moi, pourquoi tu ris comme ça? C'est parce que tu as dit que les enfants dorment déjà chez la sœur de la Roche. Je voulais juste te souligner qu'il est 19h ici. Oh, laisse comme ça. Il est quelle heure? Le frère Camille, il est 1h10 ici au Cameroun. Vous voyez ce déphasage là, ça nous fait divaguer là. Bon, comment vous allez? J'attends vos questions. S'il y a des questionnements. La sœur Augustine, ça va? Oui, ça va bien. Par la grâce de Dieu, ça va. Des questions avant qu'on ne prenne la Bible là, pour voir quelque chose ou bien qu'on prie. Tu es de la Côte d'Ivoire, c'est ça? Oui. Prie pour ton pays. Je sais que c'est mon pays, quand même. Prie pour ton pays parce qu'il y a des sangs qui crient. Ça va réclamer encore là-bas. Ça va se soulever là-bas. D'accord. Prie pour ton pays. C'est vrai que tu es loin. Prie pour ton pays. C'est que ici au pays, ça ne nous laisse pas. Donc, je me concentre sur notre pays et votre pays. D'accord. Donc, prie pour ton pays. Prie pour ton Ouais. pays. Il y a des choses qu'on fait. Au lieu de suivre la direction du Seigneur, au lieu de résoudre le problème comme le Seigneur le veut, on va encore amplifier des choses parce qu'il y a des sacrifices qui se font en secret. Les gens là-bas ne savent pas. Les autorités font des sacrifices croyant résoudre le problème avec le sacrifice. Et les plus hautes autorités de ces pays-là, ils savent. Ils font des sacrifices. Ils parlent des sacrifices humains. Ça pousse pour empirer des choses encore. Ils parlent de la Côte d'Ivoire. Donc ça va encore barder là-bas. Mon frère Camille, bonsoir encore. C'est vrai que quand je vis seulement, je vois seulement le jeudi où je pensais là, je disais que donc je veux plus vous revoir. Et puis le Seigneur a fait grâce. Ah, quand je me suis vu indemne là, je dis seulement gloire au Seigneur. Eh bien, c'est bien à ce que nous voyons un thème. Jésus te connaît. Il te connaît. Ou mieux, le signe de sa présence. On parle de sa présence à nos côtés, n'est-ce pas, frère? Amen. À moins que quelqu'un ait des questions. Je crois que la réconciliation n'a pas encore fait la deuxième partie, si ma mémoire est bonne. Non. Dieu voulant, ça va se passer en son temps. Tous ensemble, alors, la sœur Suzanne, des questions? Parce que même la foi, on a entamé, on n'a pas fait. Oui. Moi, j'ai une question. Bonsoir, la sœur de la Roche. Tu es allée coucher les enfants? Bonsoir, mon frère. Ils sont tous à côté là. Ils sont là. Eh bien, dans ce cas, prépare-toi à fermer ton micro alors. C'est pour ça que Prépare-toi à fermer ton micro. La sœur Karine, courage, d'accord? C'est Karine, courage. Oui, ma soeur Suzanne, tu parlais. Oui, j'avais une question. J'ai écouté l'enseignement sur que faire lorsqu'on est délivré. Et puis tu as dit que normalement, quand quelqu'un est délivré, la première chose qu'il devrait faire, c'est d'aller dans le jeûne et la prière, dans la méditation, pour comprendre qu'est-ce qui l'a amené à ça, quoi. Pourquoi est-ce qu'il a été possédé? Mais pour quelqu'un qui a été consacré, comment est-ce qu'il va rentrer et découvrir ce qui s'était passé, bien, quelles erreurs il a pu faire pour y arriver? Si tu Moi, es, c'était la question qui m'est. voilà. Si tu as été consacré par ta famille, c'est pas toi qui as fait l'erreur. La seule erreur que tu as fait, c'est de venir dans cette famille-là. Et là, tu ne peux plus fuir la famille. Ça, c'est un. Et de deux, lorsqu'on parle de qu'il faut rentrer, ça veut dire quoi? Pour ce cas précis, ça veut dire qu'il y a des décisions radicales qu'il faut prendre avec la famille. Parce qu'il faut comprendre que là, nous sommes en guerre, en guerre, Et les puissances ténébreuses maintiennent des familles dans la captivité pour les soumettre en donnant comment ça s'appelle, des justificatifs que ce sont nos traditions, ainsi de suite. Et par cela, maintiennent les gens dans des pressions au point où d'autres personnes ont peur de se séparer de leur famille et que ça cause de quoi par rapport à prendre position. Ces choses-ci, à l'issue de cela, il faut prendre position. Quand notre Seigneur Jésus-Christ disait dans Matthieu chapitre 10 qu'il y aura la guerre dans des familles, l'homme ira pour ennemi les gens de sa maison, et on l'avait badiné pas. Il dit qu'il est venu jeter un feu sur la terre, il s'en fout si c'est déjà allumé. Donc ici se trouve, dans ce cas précis, dans le cas où tu as posé la question, se trouve la radicalisation pour ne plus enfreindre aux lois de Dieu vis-à-vis de notre tradition. C'est-à-dire là et maintenant, il faut faire la séparation claire. Sinon, en rentrant dans des traditions, en entrant encore dans cette tradition, là, ces mêmes esprits là viennent, et cette fois-ci, c'est une fois plus puissant. Tu vois ça, ma soeur? Amen. Donc, à l'issue, sur le coup, le cas des liens familiaux, parce qu'en réalité, dans des familles ont des totems. Et le fait que d'autres personnes ne connaissaient pas l'évangile, ne connaissaient pas la puissance de Dieu, ils prennent des manifestations spirituelles qui arrivent comme si c'était les dieux. C'est pour ça que dans des coins en Afrique, on attribue cette puissance-là à Dieu. Et ce n'est pas seulement au cadre africain. Dans la Bible, on voit le cadre de la grande déesse, Diane, on appelle que cette puissance était celle qu'on appelle la grande. Dans Actes des Apôtres, chapitre 8, avant que Simon le magicien vienne, on appelle ça que c'est une grande puissance. Or, le fait que ça sortait du ciel, on savait que c'est justement Dieu qui habite au ciel là-bas. Mais c'est la Bible qui nous enseigne qu'il y a des puissances ténébreuses qui habitent aussi également dans certaines régions du ciel. Par conséquent, quand les êtres descendent du ciel pour donner, parce qu'on dit si le simulacre de la reine, comment ça s'appelle, d'Astémis, est tombé du ciel. Et si ça tombe du ciel, forcément, ça vient des dieux. Tu vois cela? Dans le livre des Job, le feu était sorti du ciel pour brûler les gens. Ils ont dit non, le feu de Dieu est sorti du ciel. Or, ce feu-là ne venait pas des dieux. Donc, par conséquent, comme les êtres humains n'ont pas encore goûté à l'autre puissance, goûté l'autre côté, touché la puissance du Seigneur Jésus-Christ, c'est normal qu'ils considèrent cette puissance comme venant des dieux. Même un marabout te dira, Mobius, qui sait Dieu, puisqu'il sait que c'est Dieu, puisque les esprits le trompent en disant qu'ils viennent des dieux. Un ange ne viendra pas dire qu'il est Dieu, il est un démon. Quand les démons viennent, ils se présentent aux gens, ils se présentent en ange de lumière. Oui, n'est-ce pas, ma soeur? Voilà, donc il faut. Cet problème de l'après-délivrance, c'est un problème crucial en milieu chrétien. Dans certaines assemblées, on dit qu'il y a des gens qui ont pris chaque fois, ils ne font que tomber. Chaque fois, ils ne font que tomber, ils font que tomber. Il faut qu'on leur apprenne ces choses ici, si la délivrance est bien pratiquée. D'accord. Est-ce qu'il y a des délivrances partielles, mon frère? Délivrance partielle, c'est-à-dire quoi, ma soeur? C'est-à-dire quelqu'un qui est délivré d'abord d'un esprit, et puis 2 mois après, il a délivré d'autres esprits, bien 1 an plus tard. Est-ce que le Seigneur, quand lui-même, il agit, ça, peut faire ça? Ça peut se produire, parce que le niveau de la connaissance et le niveau du discernement des esprits, c'est une chose. Vous pouvez délivrer quelqu'un, par exemple, la personne, supposons par exemple, je vais prendre quel exemple? Vous voyez, c'est pour ça que le discernement est nécessaire. Du discernement est nécessaire. Vous voyez quelqu'un qui marche en route, par exemple, il traverse un endroit où on a fait des incantations, où un être se trouvait là-bas. L'esprit lui entre sur le corps, boum, en entrant sur le corps, ça reste sur la poitrine. La personne, cette personne, c'est à l'asthme. Ou bien quand il marche désormais, il a un problème d'insuffisance cardiaque, ainsi de suite. Le rythme cardiaque change. Il ne se rend pas compte qu'à un moment donné, il y a une respiration qui lui est entrée et puis il a commencé à respirer un genre. Ça, c'est le démon qui est entré par le rythme cardiaque. Avant cela, cette personne était allée présenter sur le prostitué, portait 200 démons. Mais avant cela, il était dans une famille, on l'a amené chez le marabout, on l'a fait les sacrifications, lui donne les choses qu'il a ingurgées. Mais là, il se tient quelque part, on dit, monsieur, vous avez traversé un endroit où vous avez aspiré un démon. Vous savez, on parle spécifiquement du cas de ce qui est traversé, qu'il a traversé là-bas. On n'a pas parlé par rapport à ces démons de telle ou telle chose, de tel autre démon. Tu vois ça, ma soeur? Or, ce sont des groupes particuliers avec des chambres particulières, ces maisons communes, la maison, c'est le corps. Mais à l'intérieur, se trouvent des groupuscules. C'est donc pour cela que lorsqu'on a le discernement, on chasse le chef de la maison, ils vont partir tous. Mais si ce n'est pas comme ça, c'est dans ces cas-là qu'il y aura les débats. Vous allez voir quelqu'un pour qui on a pris pour telle chose, et à un moment donné, on prie encore pour telle chose. Parce que ce n'était pas par discernement. Voilà. C'est un peu comme les soldats se cachent dans un champ. Le tirer de l'outil en visant sur quelqu'un qui l'a vu. Celui qui ne connaît pas des games là, il commence à verser l'âme partout. Croc, croc, ça ne tue pas. D'accord, ma soeur? D'accord, merci. Posez toutes vos questions. Ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé. Vous m'avez manqué. Et le frère Camille ne me cherche pas. Frère, tu connais mon attitude. Je ne suis pas... Je ne suis pas trop dans le genre. Tu sais, je préfère laisser les nouveaux-nés qui sont en train d'arriver là, te chercher. Donc, quand ils me cherchent, je vais les envoyer. Si on va se voir. Amen, amen. Donc, la prochaine fois, quand ils viennent, ils t'envoient vers toi. La soeur Augustine, il y a le cri d'une petite fille. Ça, c'est... Comment? Tu me suis là? Oui, qui a perdu une petite fille. Il y a le cri d'une petite fille. Qui est? Qui a perdu une petite fille. Il entend le cri d'une petite fille. Ça vient de ton côté. La sœur, c'est une autre question. Le temps qu'elle réfléchisse là-bas. Ça, ce sont les amis de... C'est... Elle est à côté de la sœur. Oui. C'est ça. J'ai une autre question. Oui. Comment rester devant la face du Seigneur? Bonne question. Allons dans le livre. Frère Junior, c'est la même aussi, là, la même lancée sa question. Oui. C'est par rapport aux jeunes que tu parlais, où, dans deux chroniques, chapitre 7, versets 14 et 15. Oui, on parle de la face de... Attends. Si mon peuple, ce qui invoquait mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et détourne de ses mauvaises œuvres. Oui, chercher sa face. Oui, c'est quoi chercher sa face? Bonne question. Bonne question. Allons-y dans le livre des Proverbes, chapitre 8. Voyons quelque chose là-bas. Vous savez comment je vous aime? Oui. Vous savez que vous mettez cher, n'est-ce pas? Proverbe combien? Proverbe, chapitre 8. Proverbe, vous y êtes tout le monde. La sœur Augustine, tu m'entends? Le cri là, ça vient. Oui, le cri là, j'entends, ça vient de ton côté. C'est de ce côté que ça vient. Ça, c'est une petite fille là. Elle est morte dans le jeune âge. Donc, on peut commencer là, frère. Verset combien? À partir du verset 28. Verset 30 même. Hein. Verset 28. À partir du verset 28 dans le je lis. Lorsqu'il fit ça, le nuage en haut. C'est ça, n'est-ce pas? Yes. Et que les sources de l'abîme jaillissent avec... Lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux ne franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. J'étais ses délices. Non. De tout. Comment ça? C'est quelle version tu lis là, mon frère? BJC. Qui faisait ses délices? Il était ses délices. Attends. J'étais ses délices. Continuez. J'étais ses délices. Là, c'est la BJC. Attends, pas alors du second. Non, continue, mon frère. Continue avec les étaient ses délices. Continue toujours comme ça là. J'étais ses délices de tous les jours. Et toujours j'étais en joie en sa présence. Je me réjouissais dans la partie habitable de sa terre. Je peux toujours chercher les versions qui vont vous dire. Trouvant mes délices avec les fils de l'homme. Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi. Bénis soient ceux qui gardent mes voies. Écoutez l'instruction et soyez sage et ne la rejetez point. Oh, béni est l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes. Gardez d'abord ce passage là, d'accord? Oui, continue. Oh, béni est l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui monte la garde au montant de mes portes. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et obtient la faveur de Yahweh. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Voilà, donc dans ce verset, tout ce qui me haïsse, oui. Aime la mort. Tous ceux qui haïssent aiment la mort. En clair, le verset 34 dit heureux l'homme qui l'écoute. Un, il écoute la voix du Seigneur. Deux, qui veille chaque jour à ses portes. Dans ces deux chroniques, et on va revenir à l'issue de ceci, vous m'entendez bien, n'est-ce pas? Le son est bon? La sœur Stéphanie, bonne arrivée. Vous m'entendez, c'est bon, n'est-ce pas? Oui. Donc, dans ces deux chroniques, chapitre 7, les versets 14 et 15, il est question de chercher sa face. Le Seigneur dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises œuvres, vous voyez, et ainsi de suite. Il dit du haut dessus, il écoutera sa voix, il va se détourner, il va le détourner, et de sa queue, il va guérir son pays, de ce peuple-là. Maintenant, la question c'est quoi chercher la face de Dieu? Et comment chercher? Et il y a deux questions non sous-jacentes. C'est quoi? Qu'est-ce qu'a la Bible parle bas? Chercher la face de Dieu. Et la deuxième chose c'est comment la chercher? Vous avez remarqué que dans la 90% des instructions de la Bible où on parle de chercher Dieu, il y a toujours un détour au préalable de la voie de Dieu. C'est-à-dire qu'on a d'abord quitté la façon de marcher d'après Dieu et Dieu demande à ce qu'on le cherche et qu'on une façon de le chercher. C'est-à-dire qu'on vient vers lui, on se repent. Allons-y pour cela dans le livre de Osée au chapitre 10. Je crois que un meilleur verset pour situer ça, c'est dans ce livre de Osée au chapitre 10. Osée chapitre 10. Trouvez rapidement dans Osée chapitre 10. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Osée chapitre 10. Vous voyez que depuis là, on n'a pas coupé la lumière, non? Je suis étonné. Peut-être les gens de Canada, vous êtes à jeûne pour cela ou quoi? Vous y êtes dans Osée? J'attends que vous me dites. Mais chapitre oui. 10, donc lisez le verset 10 ou verset 12. Puis on va dans le livre de Zacharie. C'est les prophètes qui expriment mieux ceci. Et puis par la suite, on va rentrer dans le livre de chroniques. Qui va lire alors? Je vais lire. C'est Osée 10, verset 10, c'est bien ça? Verset 10 à 12. Ok. Je les châtirai à mon gré et des peuples s'assembleront contre eux quand on les enchaînera pour leur double iniquité. Éphraïm est une génisse dressée et qui aime à fouler le grain, mais je m'approcherai de son beau cou. J'attellerai Éphraïm, Juda labourera, Jacob hercera. Sémez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande sur toi. Jusqu'à ce qu'ils viennent et répandent pour vous la justice. Voilà, donc vous voyez effectivement que dans le contexte des Osée, vous remarquez au chapitre 1, lorsqu'il parle à Osée, il demande d'aller prendre une femme prostituée. Pourquoi? Pour livrer, pour montrer que la Samarie, Jérusalem se sont livrés à la prostitution en allant vers d'autres dieux. Puis Dieu ici, Dieu veut dire, il est temps de rechercher la voie de Dieu. Le prophète exprime ça d'une autre façon, de regarder sur l'ancien sentier, comment les gens ont marché initialement comme Dieu avait tracé, pour pouvoir le faire. En clair, en d'autres langues, ou en d'autres phrases, on peut dire chercher la voie de Dieu, c'est quelqu'un qui marche dans une voie détournée, une voie qui n'est pas droite. Si il veut, vous me dites là, n'est-ce pas? On est censé, Dieu ordonne qu'on marche sur une certaine voie. Lorsqu'on est de marcher, au courant du chemin, chacun suit une voie ou une voie autre qui n'est pas cette voie-là. Chercher l'Éternel veut dire qu'on retrouve le chemin sur lequel Dieu veut que nous marchions, en allant vers lui, en retournant vers lui. Donc en réalité, chercher Dieu, c'est aller vers Dieu dans la repentance pour la restauration, pour marcher dans la voie qu'il a accordée initialement. C'est ça dont il est question. Donc dans presque tous les versets, nous allons voir par rapport à chercher Dieu, vous allez voir que dès le départ, il y a d'abord l'iniquité qui est entrée. Et puis les gens sont détournés d'une certaine façon. Dieu demande de chercher sa face, chercher Dieu. Dans ce livre de Deux Chroniques, chapitre 4, chapitre 7, dont il est question, dont le Seigneur nous a donné par rapport au thème pour pouvoir prier pendant notre jeûne, vous voyez effectivement le contexte. Salomon, après avoir inauguré le temple, dans le chapitre 6, dit clairement, en inaugurant cela, il prophétise, disant que quand les nations d'Israël vont pécher, et vous voyez, il prévoit cela. Il dit quand ils vont pécher en allant vers d'autres dieux, car il n'y a point de peuple qui ne pêche point, et qu'ils seront amenés captifs. Il donne même le résultat qui va encourir, qui sera la conséquence même de leur péché. Il dit qu'ils seront amenés captifs. Comment il savait que si la sanction ce sera d'être amené captif? Il dit que si du pays de leur captivité, ils reviennent en eux-mêmes, et tout le regard vers cette maison, du haut des cieux, du haut de ta demeure sainte, exauce les prières faites en ce lieu parce que ton nom y est invoqué. Vous me suivez, n'est-ce pas, mes soeurs? Et effectivement, c'est ce qui va arriver. Dans le livre de Daniel, effectivement, nous allons voir effectivement que Daniel, chaque fois, prier trois fois le jour en direction d'où? De Jérusalem. parce que dans Jérusalem, le nom du Seigneur avait été invoqué là-bas, le temple avait été construit là-bas pour lui. Donc littéralement, c'est ce qui va arriver. Parce qu'en réalité, c'était le prophète. Parce qu'il a dit, quoi donc? Dieu habitera-t-il fait dans le temple fait des mains d'homme? C'est parce que son nom est invoqué là-bas. Pourquoi Dieu veut qu'on prie en une certaine direction pour le faire? C'est pour avoir la pensée du Seigneur, le Dieu qui exauce, le Dieu de Jérusalem, le Dieu d'Israël, pour ne pas le confondre avec les païens. Parce qu'à ce moment-là, il y avait des hauts lieux où les gens partaient à la rencontre. Dans l'Ancien Testament, vous allez voir dans Genèse, vous allez voir de temps en temps, il y a Bethel, il y a Gilgal de ses côtés, et ainsi de suite, où il y a Beth-Sheba, les lieux qui lui sont consacrés, à Silo, à Rama, ainsi de suite, où le prophète Samuel allait pour juger Israël là-bas, le lieu des manifestations spontanées et sporadiques du Seigneur. Je ne sais pas si vous me saisissez, n'est-ce pas? Donc, chercher la face de Dieu, et chaque fois, vous allez voir effectivement que chercher la face de Dieu, c'est généralement les prophètes qui conduisaient ces choses-là, ils allaient devant le Seigneur pour chercher quelle est la volonté de Dieu pour une situation bien déterminée, pour une voie bien déterminée afin de ramener le peuple là-bas. Allons dans le livre de Zacharie aussi maintenant. Merci pour ce genre de questions. C'est ce genre de questions que vous voyez, et puis on peut parler comme ça indéfiniment. Parce que beaucoup de personnes posent la question, effectivement, comment on cherche la face de Dieu? Il dit dans ces proverbes qu'on a commencé à lire là au verset 34 que heureux ceux qui m'écoutent et qui gardent mes portes, qui veillent à mes portes. Veiller à la porte, ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus dormir, que non. On a continuellement le Seigneur sur notre cœur. C'est pour ça qu'il a suscité cet enseignement-là pour corriger la prière sur notre cœur. Parce que quand la Bible déclare que prier sans cesse, personne ne peut prier sans cesse physiquement. Si vous allez mourir, c'est pas possible sur le plan humain de prier sans cesse. C'est de vous rester toujours dans la prière. Il va falloir que tu manges. Et quand tu vas manger, ta bouche sera occupée. Il va falloir que tu dormes. Quand tu vas dormir, toutes tes facultés vont s'éteindre. Mais l'homme intérieur, lui, ne dort pas, il ne se fatigue pas. C'est de lui dont il est question. C'est à lui que l'esprit s'adresse, qu'il prie sans cesse. Vous dormez, vous ne dormez pas, votre esprit continue à prier. C'est donc pour ça que vous pouvez combattre, vous pouvez avoir des rêves, des songes. Vous vous levez, vous savez que vous avez vécu quelque chose. Et donc, c'est pour ça que l'enseignement, je crois que si vous avez écouté les enseignements dont le Seigneur a donné pour la France dans la sainteté, vous savez que le travail est fait. Il faut nettoyer le cœur, nettoyer pour que le socle puisse être positionné là-bas afin que Dieu puisse y parler au travers de ce cœur-là. Zacharie, je suis toujours content qu'elle cause avec vous. Zacharie, chapitre 8. Chapitre 8. Verset, on va prendre où? Prenons le verset 18 à 22. Du chapitre 8. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ce mot. Ainsi parle l'Éternel des armées. Le jeûne du quatrième mois, le jeûne du cinquième mois, du cinquième, le jeûne du septième et le jeûne du dixième se changeront pour la maison de Judas en jour d'allégresse et de joie en fête de réjouissance, mais aimer la vérité et la paix. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Voilà. Vous voyez ce qu'il dit là-bas? Vous voyez ce qu'il dit? Oui. Il prophétise que beaucoup de nations viendront chercher l'Éternel. Pourtant, l'Éternel est Dieu et qu'il est partout. Pourquoi faut-il que peut-être quitte par exemple le Cameroun pour voyager jusqu'à Jérusalem pour aller chercher Dieu là-bas? Pourquoi? Vous voyez? Parce qu'en réalité, ces moments-ci, on se trouve dans une atmosphère où il y a tellement la cacophonie, on ne sait pas où la vérité. Dieu place quelque part pour attirer l'attention des hommes pour qu'ils se déconcentrent à un autre endroit. Dans le livre de Jonas, si vous lisez Jonas, vous allez remarquer que dans la ville de Ninive se trouvaient 120 000 personnes qui y vivaient, y compris le roi. Dieu va demander au prophète d'aller annoncer la repentance parce qu'encore 40 jours, il va détruire Ninive. Le prophète va dire, ce sont des péchés, détruis-les, tout, ils dérangent. Comment que les êtres humains peuvent vivre dans le péché comme ça? On parle, ils ne comprennent pas. Détruis-les, tu suscites d'autres personnes là-bas, ils ne parlent pas là-bas prêcher. Et donc Dieu dit à Jonas, quand Jonas va être aigri à l'issue de ces genêts qu'il va faire pousser en quelques heures là sur lui, il dit, est-ce que tu fais bien de t'irriter contre ces généraux-là qui sont en un jeu et qui sont détruits? Alors que dans la ville de Ninive se trouvent 120 000 âmes, Dieu dit qu'ils ne savent distinguer leur gauche de leur droite. Ça, c'est des paroles fortes de la Bible. Ça veut dire que là-bas, il y avait un roi, des conseillers, comme on a aussi les présidents de la République, qui sont bien rangés aujourd'hui. Mais là, Dieu dit qu'ils ne savent pas distinguer leur gauche de leur droite. Donc, malgré les recherches scientifiques, la ville de Ninive, c'était une grande ville où il y avait de grands ports, avec des commerces qui se passaient là-bas. Malgré la recherche qu'ils avaient été établie là-bas, malgré les découvertes qui avaient été établies, ils pouvaient construire des grands bateaux, lutter contre le vent, construire les mâts pour pouvoir lutter contre le vent, et ainsi de suite. Mais Dieu dit qu'ils ne distinguaient pas les gauches de leur droite. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Maintenant, regardez quand Ninive, quand il va crier là-bas, Dieu va amener l'esprit de supplication là-bas. Le roi va descendre de son trône et demander que les gens jeûnent et cherchent Dieu pour qu'ils se détournent de son cela. Parce que ça montre qu'ils étaient dans l'iniquité et ne savaient pas comment faire pour s'en sortir devant le Seigneur. Là, maintenant, le prophète vient amener une parole pour qu'ils cherchent la face de Dieu. Ils cherchent ici la face de Dieu dans l'isolation, ce que la Bible appelle par repentance. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 57, si vous lisez les versets 14 et 15, Dieu dit effectivement là-bas qu'il est avec. Il dit, malgré qu'il soit un Dieu saint qui habite les lieux célestes, les lieux élevés, le grand Dieu qui habite sa sainteté, dans le domaine de la sainteté, il dit qu'il est quand même avec l'homme qui a l'esprit abattu. Donc ça veut dire que si quelqu'un qui est humilié, contrit, le cœur contrit, il avait cet homme-là. Par conséquent, Dieu veut tout simplement qu'on recherche, on sonde nos voies et on retourne à lui. En faisant cela, dans le livre des... Je crois qu'il s'en est cité beaucoup de livres là déjà comme ça. Là. Bon, dans le Luc au chapitre 15, sous les yeux de Luc chapitre 15 à partir du verset 10, on parle de l'histoire du fils prodigue là-bas. Dans cette histoire du fils prodigue, vous remarquez effectivement que quand ce garçon-là va prendre la part de qui lui revenait, en termes, avant que son papa ne meure, il demande sa part des droits de naissance, comment vous appelez ça, l'héritage. Il s'en va dans le pays lointain. La Bible déclare qu'il va disloquer cela avec tous les prostituées. Quand ça va finir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire qu'il va revenir encore dans son pays. La Bible déclare que rentrer en lui-même, il va dire qu'il va retourner vers ses terres, vers son père. Parce que là-bas, il est dans la maison de son père, il a beaucoup de biens. Qu'est-ce que la Bible veut nous faire comprendre? La Bible dit qu'il rentre en lui-même. Canada, la sainteté, vous m'entendez? Canada, la sainteté. Pardon pour ces coupures qui est indépendant de ma volonté. D'accord, mes frères, veuillez m'excuser. Ce sont les aléas de l'Afrique. On va faire avec. Que Dieu vous bénisse. On peut continuer. Est-ce que. Oh là, ça va encore couper là, je crois bien. Vous m'entendez? Je crois qu'on a des problèmes de connexion là. Exalter ta grandeur et te rendre gloire. Car tu es digne d'honneur et de louange. Tu es le prince glorieux. Devant toi, tout genou fléchira et et toute langue confessera que tu es Seigneur. Alléluia. À la gloire de Dieu. Nous te devons toutes choses, Maître suprême. Alléluia. Cette façon, on doit plus se couper au nom du Seigneur Jésus. Donc, amen. On va travailler, donc on va travailler, rien n'a empêché, d'accord? Amen. Amen. On doit travailler, ça doit finir. Donc, où est-ce qu'on était? Donc, je t'ai dit, donc, dans Isaïe, au chapitre 57, si vous lisez le chapitre 57 d'Isaïe, les versets 14 jusqu'au verset 16, là-bas, jusqu'au verset 15, le Seigneur dit là-bas que malgré qu'il soit un Dieu saint, et qu'il habite l'un grand Dieu, et qu'il habite les demeures saints là-bas, il est quand même avec l'homme dont l'esprit a abattu. Vous voyez? Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que même si l'homme s'est détourné de Dieu n'importe comment, Dieu va toujours tracer et frayer un chemin pour lui, un moyen de retour. C'est en cela que consiste donc à rechercher la face de Dieu. Toute personne qui cherche la face de Dieu est comme celui-là dont j'ai parlé dans l'exemple avant que nous allions en. Quand on a eu cette légère coupure-là. C'est ce garçon qui a pris de l'argent, ou bien sa part d'héritage à son papa, et s'en va dans les pays lointains, dissipe cela, mais se trouve donc en mal par rapport à tout ce qu'il voulait penser faire. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible déclare que rentrant en lui-même. Cet état de rentrant en lui-même, c'est la prise de conscience. La prise de conscience du fait qu'on s'est détourné de la voie initiale. Et puis on cherche à retourner. Vous voyez, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. On peut toujours continuer à aller lire là. Allons dans l'une des psaumes là. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Psaume 118, les versets 8 et 9. Ah mon Dieu. Vous voyez, de façon explicite et de façon claire, dans celui de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, il est dit que si mon peuple, ce qui invoquait mon nom, s'humilie, donc ça veut dire entrer dans le jeûne, vous voyez, prie, cherche ma face et détourne de ses mauvaises œuvres. Donc ça dit que là, c'est le peuple de Dieu, ce qui invoquait son nom. Il se pourrait que son peuple vit dans l'iniquité. Ça veut dire que c'est le péché qui empêche le Seigneur d'agir au travers de son peuple. Parce que son peuple est censé être la colonne et l'appui de la vérité. Parce que les mêmes choses qu'on reproche dans les gens de l'État ou bien dans les gens du monde, les chrétiens se trouvent en train de faire les mêmes choses. Et par conséquent, or, c'est eux qui doivent être, c'est nous qui sommes censés être la lumière du monde. Psaume 118, les versets 8 et 9. Psaume 118, verset 8 et 9. Je crois que ça dit là-bas que mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel, quelque chose comme ça là. Que de se confier. Mieux vaut recourir. Voilà. Mieux vaut recourir au Seigneur que de compter sur un homme. Mm-hmm. Verset 9. Mieux vaut recourir au Seigneur que de compter sur des gens influents. Donc en clair, c'est chercher la face de Dieu, c'est avoir recours à Dieu pour qu'il puisse parler dans une direction afin de nous ramener dans sa voie à lui. Vous comprenez, n'est-ce pas? On peut continuer maintenant. Allons dans le livre des Chroniques. Alors dans 2 Chroniques. 2 Chroniques. 2 Chroniques, vous y êtes? Vous m'entendez là? La soeur Karine lève la main pour la question. C'est dans le même sens, si c'est pas le même sens, on finit d'abord avant d'avancer. Oui, ma soeur. C'est dans le même verset. Parce que quand le Seigneur dit mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Parce que justement, je me posais la question de savoir qu'est-ce qu'il voulait dire. Est-ce que ça veut dire que nous qui crions à lui en l'appelant, parce que par rapport aux jeunes, par exemple, quand j'étais en train de méditer dessus et de prier, j'étais en train de dire, ok, j'étais un peu dérangée. Ton peuple, le Cameroun, ce qui a invoqué ton nom, ou bien le fait que tes enfants que tu as choisi sont en train de s'humilier de prier. Seigneur Jésus. De s'humilier de prier et on invoque ton nom. En fait, tu vois, je veux comprendre en fait le sens de cette phrase par rapport à nous qui vivons maintenant. C'est bon. Donc, peut-être c'est autre non, chose, c'est bon. Je sais pas. Non, c'est bon, ma soeur, tu as bien exprimé. Allons dans 1 Timothée. Gardez 2 Chroniques là. Allons dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2. D'accord. 1 Timothée. Chapitre 2. Quel chapitre? Chapitre 2. 3. Chapitre 2. La sœur Augustine, ça va? Verset. La sœur Augustine, ça va? Oui, ça va, pas une heure. Voilà. Vous avez la bagarre déjà, c'est la chaise de la roche, non? Vous entendez, non? 1 Timothée chapitre 2, verset 1 et 2 d'abord, puis le verset 8. Ok. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge des vêtements, il désire non, une non, œuvre non. excellente. J'ai dit chapitre 2. Chapitre 2, excuse-moi, mon frère. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Je pose la question. Tu as dit 1 et 2. Oui, non, le verset 1 et le verset 2. Puis maintenant, lis le verset 8. Verset 8, ok. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. À qui est-ce qu'on parle ici? À tous les hommes. Hein? Les hommes. Quelqu'un qui n'est pas régénéré, comment il va faire pour que son cœur soit qu'il n'ait pas de colère ni de mauvaises pensées à l'intérieur quand ils sont dans le monde? Pourtant, dans le livre de Galates, chapitre 4, le verset 17 et 16 à 18, il dit que ces païens-là ont pu marcher comme eux, ils ont l'intelligence obscurcie à cause de l'ignorance qui est en eux. Ça se trouve à l'intérieur d'eux. Or, nous, nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, ici, il en a parlé maintenant. Il dit que quand on élève les mains, comment? Pure. Les mains? Pure. C'est vrai, on dit que pour que quelqu'un s'adresse dans la prière comme ça, il faut que lui-même soit en règle. C'est pour ça qu'il veut que dans ces deux chroniques, son peuple soit en règle. Regardons dans le verset qui, le chapitre qui contourne avec ce livre des deux chroniques, c'est le livre de Daniel. Daniel, si vous lisez le livre de Daniel de façon claire, vous remarquez que Daniel, en clair, si on prend sur le plan humain, n'a pas de faute, puisque même ses ennemis cherchent les fautes, et dans ses affaires publiques, et dans ses affaires spirituelles, on ne trouve pas de faute. Mais là, dans la confession, il s'est inclus comme quelqu'un qui a manqué au but, c'est-à-dire qui a péché, qui a manqué au but par rapport aux lois de Dieu. Là, il cherche la face de Dieu. Il a dit qu'il s'est retourné vers la face de Dieu pour chercher à comprendre. Il a vu par les livres qui devaient s'écouler 70 ans d'après les années que Dieu avait données au prophète Jérémie. Il n'a pas dit, oh Seigneur, mon peuple a péché. Mais Père, en disant ses parents, péché sont des têtus. Non, pardonne-leur. Non. Il a utilisé le nous, n'est-ce pas, frère? Pourquoi utilise-t-il le nous? Pourtant, manifestement, il n'y a pas de reproche qui lui est faite dans la Bible. Parce que, à cause du fait que c'est. Je crois que dans la Bible, il y a un endroit où le Seigneur dit que. Il le punit jusqu'à la troisième génération. Bon, je veux dire que si un parent a péché, normalement ce péché-là, ça se transmet de génération en génération tant que le parent n'a peut-être pas demandé pardon par rapport aux fautes ou aux alliances qu'il a perpétrées dans le passé. Non, les gens ont dit maintenant aujourd'hui là que non, si les parents pêchent, c'est son problème là-bas. Et la réalité est tout autre sur le terrain, n'est-ce pas? La réalité est tout autre. Que vous êtes né dans une famille, aussi vrai que votre gène familial vous poursuit spirituellement, vous avez des liens. Qu'on le veut ou pas. Bon, maintenant, j'aurais souhaité aller dans une autre direction avec ces questions que tu as posées là, mais je ne sais pas si vous pouvez tenir cela. Si vous pouvez aller dans cette direction-là pour voir ces choses-ci. Bon, continuons. Des questions encore, ma soeur? Sinon, on continue dans 2 Chroniques, chapitre 11, là-dedans. Des questions? Non, donc, juste pour savoir si j'ai compris, hein, parce que pour que la direction dans la prière, par rapport à invoquer, donc nous, on peut dire que nous, on est un peuple ce qui est invoqué le nom du Seigneur. Non, mais attends, c'est quand même. De la même manière que Daniel. Non, attends. Priait. S'il y a un peuple qui porte son nom, la Bible déclare dans l'Ude d'Éphésiens chapitre 3, verset 10, il dit qu'à cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. La famille qui est sur la terre, c'est un peu comme vous êtes à l'extérieur, vous avez une famille à la maison, quoi, au Cameroun et dans votre pays. Vous avez la famille là-bas, la famille telle au Canada, la famille telle à la maison. Donc nous avons une famille, nous avons deux dépendances au ciel et ici. La famille ici, nous portons son nom. Le nom du Seigneur, la Bible déclare que nous sommes outragés parce qu'à cause du beau nom que nous portons le nom du Seigneur Jésus qui est invoqué sur nous. Vous voyez, quand l'apôtre Paul, quand Saul persécutait l'église, le Seigneur Jésus n'a pas dit tu persécutes les gens sur la terre, il a dit que tu me persécutes. Donc on porte son nom. Quand la femme est mariée à un homme, elle porte le nom de son mari. C'est quand même curieux ça, n'est-ce pas? Donc nous portons son nom. Israël porte le nom de Dieu. N'est-ce pas, mes chers? Et par conséquent. Ici au Canada, on ne porte pas le nom de son mari. Ça, c'est l'autre problème. Là, il faut délivrer le Canada. Là. Ne vous inquiétez pas. Ces trois fouchettes là, je crois que c'est. Je ne sais pas si c'est ici que j'ai parlé de quelque chose qui vient d'arriver. Ces choses-là qui portent un truc comme la fouchette, comme ça, à trois dents, comme ça, qui arrive là, ça se dirige vers vous là-bas. J'ai parlé de ça, je crois bien. J'en ai parlé, ça sera chaud là-bas. Attendez. Il y a encore des lois, on va voter des lois là-bas sur la famille. Vous allez être étonné de ce Canada-là. De toute façon, continuez à chercher la face de Dieu. Donc, allons dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 2. Il y a des choses à dire dans ce texte-ci. Maintenant, pour compléter cela, ma soeur, pour qu'on puisse bien comprendre, il ne s'agit pas du peuple camerounais, parce que le peuple camerounais ne peut pas se repentir. La nation, la façon dont Dieu chante, la sœur Stéphanie est concentrée là-bas comme, comme à l'école du dimanche. Regardez, la façon que Dieu traite avec Israël n'est pas identique avec les autres nations. En dehors des autres nations, si vous lisez votre livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, la Bible déclare que Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur la terre pour chercher une nation qui porta son nom. Il a choisi une nation, Israël. C'est la nation seule qui porte qui donne Dieu est l'éternel. il n'y a aucune autre nation en dehors de la nation d'Israël qui a pour Dieu le Dieu des quoi? Le Dieu de la Bible. Toutes les autres, la Bible déclare que tandis que tous les peuples marchent au nom de leur Dieu, nous marchons au nom de l'Éternel, parlant d'Israël. Donc, maintenant, dans les nations dont Dieu sauve par grâce, donc ce n'est pas toute la nation qui sauve, il sauve par grâce. Il pique un et il lit un là, un. Pourtant, en Israël, il sauve la nation comme l'Israël comme étant nation. Comme il a dit dans le livre de Zacharie, il va déverser l'esprit de supplication sur la famille, la maison de David. Ils vont se regrouper. Vous voyez comment ça se passe, n'est-ce pas? Alors qu'ici, c'est une personne par-ci, une personne par-là. Et par conséquent, quand la Bible parle là de mon peuple, ce qui est évoqué mon nom, il parle de l'église à l'intérieur, là-bas. Ce n'est pas tout le peuple. Parce que vous montez, vous descendez, tout le peuple ne pourront pas être là. Mais quel est le problème? Allons dans le livre de Jérémie, chapitre 29. Oui, ma soeur Karine, le temps que vous cherchez Jérémie là. Parce que dans la direction, dans la prière, parce que j'ai ce problème-là, tu vois. On est en train de jeûner pour le Cameroun. Oui. Là, tu me dis, si mon peuple, sur qui? Et tu me dis, c'est l'Église. Oui. Donc, quand moi je lis, quand je prie pour le Cameroun. Le nom de Dieu, c'est Cameroun. Hein? Le nom de Dieu, c'est Cameroun. Non. Non, c'est pas le Cameroun. Voilà. Donc, j'étais en train de me demander, est-ce que c'est une erreur de dire, OK. Est-ce que, comme les gens, on a eu son habitude de dire, je remplace par, Il faut éviter le pantalon. Il ne faut pas faire ça. Le pantalon accentué et régénéré. Ce n'est pas de ça dont il est question. C'est la direction de l'esprit. Et c'est bien comme tu as posé cette question-là. J'ai réitéré encore, quand on dit, si mon peuple, c'est qui est invoqué le nom, il ne s'agit pas du peuple camerounais, parce que tout le peuple camerounais n'appartient pas à Dieu. Vous voyez? Amen. À l'intérieur du peuple camerounais se trouvent les enfants du Seigneur. C'est à lui qui s'adresse. Parce que c'est au travers de l'église qu'il peut. Enfin, après ça, on va lire dans le livre d'Amos, d'accord? On va aller dans le livre d'Amos. Mais prenons Jérémie chapitre 29. On va voir quelque chose. Vous y êtes? Mais la sœur, j'ai posé la question déjà trois fois, ça va? Tu me comprends bien? Tu comprends la question que je vais poser? Oui, j'ai dit que... Tu sais, j'ai compris, mais comme tu répondais aux autres, alors... je disais que, est-ce que c'est de moi-même que tu veux parler ou bien dans la famille? Jérémie chapitre 29. Oui, ça vient de ton côté, mais c'est de moi. Vous y êtes? Quelqu'un est dans le livre de Jérémie, là, chapitre 29. Oui, la sœur Augustin. Quel chapitre? Chapitre 29. Elle est où? La sœur Augustin, il faut lire. Il faut que c'est toi qui lis maintenant, là. Ah, un instant. C'est Jérémie 29, hein. Oui, puisque ceci a encore à voir avec, en même temps, la question de notre sœur Karine, et en même temps, la question de l'autre sœur. Et c'est quel verset? Verset 4, d'abord jusqu'au verset 7. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, à tout les exilés que j'ai fait déporter de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et installez-vous-y. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et ayez des enfants. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage et qu'elles aient des enfants. Multipliez-vous là-bas. Et ne laissez pas diminuer votre nombre. Arrêtons d'abord là-bas, ma soeur. Vous voyez, effectivement, dans ce contexte-ci, Jérusalem est amené captive, une partie de Jérusalem. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Le son est bon. Oui. Voilà. Les habitants de Jérusalem sont amenés en captivité à Babylone. Des prophètes sont en train de prophétiser qu'en réalité, ils vont revenir. Ils vont revenir. Mais avant que cela n'arrive même, Jérémie avait toujours prophétisé. Il était le seul à prophétiser ainsi. Les gens disaient que non. Quand ils vont venir, ils vont briser avec le corne de fer. Et finalement, on va venir amener Jérusalem captive. Et là, jusque-là, les prophètes vont toujours continuer à prophétiser. Dieu va tuer Nebuchadnezzar. Il va revenir Jérusalem. Dieu en est donné par le prophète Jérémie. C'est que vous savez quoi? Construisez des maisons. C'est pour dire que vous serez là pour longtemps. Construisez pour les maisons. Prenez des femmes, établissez-vous parce que vous serez là pour longtemps. C'est pour cela qu'il va parler des 70 ans. Vous parlez 70 ans. 70 ans, ça veut dire qu'en 70 ans, vous allez avoir le temps de vous serez. Il y a des grands-pères, des grands-mères qui seront là-bas. Donc, il veut dire que. Et continue la lecture maintenant, ma chère. Recherchez la prospérité de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur, car de sa prospérité dépend la vôtre. Stoppons là-bas et écoutez. Chapitre... Non, c'est bon. Vous avez suivi maintenant, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, l'Église se trouve en milieu d'une entité qui est contre Dieu. Et donc, regardez dans 1 Timothée chapitre 2, il dit qu'on prie pour les rois. Et les ces rois-là qui sont gouvernés et coordonnés par les cohortes sataniques. On dit qu'on prie pour eux, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin qu'on vive une vie paisible. Mais la question c'est, ces rois-là et les gouverneurs, les décisionnaires sont sous la coupe de Satan. Parce que Lucifer a demandé au Seigneur Jésus de se prosterner afin qu'il lui donne ce royaume-là à leur gloire, parce que cela a été donné, il donne à qui il veut. Donc c'est lui qui distribue ça au roi qui est sur la terre. Et là, l'apôtre Paul dit, par le Saint-Esprit, il nous dit de prier pour eux, afin que nous menions une vie. Quel est l'exercice de prier qu'on dit, on prie pour eux, pour que nous menions une vie paisible. C'est-à-dire que leur stabilité implique automatiquement le nôtre. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ici, donc, ça s'est déjà répliqué là-bas, parce que là, le peuple de Dieu se trouve en captivité à Babylone. Et quand Dieu parle de son peuple là-bas, quand Jérémie a parlé de son peuple, il ne parle pas à tout le royaume d'Israël, enfin, à tout le royaume de Nebuchadnezzar. Il parle au peuple de Dieu qui se trouve sous le royaume de Nebuchadnezzar. Et sous le royaume de Nebuchadnezzar se trouve donc Nebuchadnezzar en tête, et puis les cohortes sataniques en dessus de lui. Mais là, à l'intérieur se trouve son peuple, le peuple de Dieu qui doit suivre les instructions de Dieu. Et on nous dit dans ce verset 8 que recherchez le bien-être de cette ville-là, du pays dans lequel vous êtes captifs, son bien-être. Parce que votre bénédiction dépend du ciel. Je ne sais pas si vous avez fait ceci maintenant. Donc prenez ceci donc en parallèle avec 1 Timothée chapitre 2. Il dit, je veux avant toute chose qu'on élève, qu'on prie pour tous les hommes, pour les rois, vous voyez, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. On prie pour eux. Puis il dit le pourquoi il faut qu'on prie. Il dit, afin que nous menions une vie paisible. Je ne sais pas si vous comprenez. J'espère que vous êtes mature, maintenant vous avez saisi c'est de quoi l'enjeu donc qu'on a dans le monde. C'est pas que non, Christ a tout accompli, on fait comme ça là. S'il meurt, il meurt, ce sont les dieux païens, on n'a rien à faire, ce n'est pas comme ça. Notre rôle en tant qu'église se passe à genoux dans la prière. C'est nous qui résolvons le problème spirituel. Et ils sont dans le problème séculier. N'importe quel problème arrive. Quand Daniel était dans le secret pour prier pour le Babylone et autres là-bas, la Bible déclare, si vous lisez au chapitre 10, à partir du verset 1, la Bible déclare, il dit que le troisième année de roi Cyrus, Daniel s'est mis à prier et à chercher la face de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Pendant 3 semaines, il n'a pas mangé les mets délicates, ainsi de suite. Pendant ces 3 semaines, l'ange est venu pour lui apporter la nouvelle. Il lui donne les informations sur le plan spirituel par rapport au nouveau royaume qui va être établi là-bas. Que quand je vais partir, le prince des Javans vient. Je m'en vais comme ça pour continuer le combat contre le roi des Perses. Quand il donnait ces informations-là, le roi Cyrus était là physiquement. Les autres rois, les gouverneurs étaient là. Chacun continuait sa vie tranquillement. Mais il s'est préparé à un changement sur le plan spirituel. Or, ça veut dire que c'est la partie invisible que l'Église fait. La partie visible du règne sur la terre, c'est pour les gens de Kingdom Now, les Ivan Castano et ses acolytes. Ça, c'est pour eux. Pour nous, nous traitons du côté spirituel. Hein, la sœur Stéphanie. Donc, tu vois effectivement que la Bible déclare. Ah, son mari a réagi. Il n'attaque pas son pasteur. Donc, Dieu n'a pas donné l'autorisation à l'Église. Écoutez très attentivement, je vais encore dire quelque chose pour vous saisir. Dieu n'a pas donné l'autorisation à l'Église d'aller s'immiscer dans la politique pour faire changer la face du monde. Vous voyez d'autres personnes qui ont des slogans en disant que changer le monde, annoncer Jésus-Christ dans tout le monde entier. C'est pas comme ça. Amener que tout le monde entier soit disciple du Seigneur Jésus-Christ. D'autres parlent même de discipliner les nations sous la gouverne du Seigneur Jésus. C'est pas possible. Ça ne sera jamais possible parce que c'est pas la pensée de Dieu. C'est parce que Dieu a dit. Dieu a dit qu'il y a ses disciples parmi le monde. Comme on a vu là, que à Israël, c'est un peuple en nation. Et dans le monde se trouve un à un qu'il faut piper. Il faut aller les chercher et les ramener à la maison. Ça, c'est un. De deux, si vous lisez le livre de Daniel au chapitre 2, le livre de Daniel chapitre 2, se trouve une statue que dans ce rêve de Nebuchadnezzar qu'il avait oublié. Vous vous souvenez de ce rêve-là, où la tête était en or, la poitrine en argent, en bronze, et ainsi de suite, jusqu'en bas, avec la terre mélangée avec de l'argile. Vous vous souvenez de ces rêves-là. Maintenant, vous remarquez que l'explication qui est donnée par rapport à ces statues-là dit effectivement que le premier, la tête-là, c'est le roi Nebuchadnezzar, qui est le roi, l'ostine du premier royaume. Puis par la suite va venir le Mède et le Perse, par la suite va venir Javan, c'est-à-dire la Grèce. Puis ensuite, le quatrième royaume va venir Rome. Et Rome, le quatrième royaume, sera mélangé avec de l'alliance. Est-ce que les alliances seront en même temps parties, faut en même temps partie faire? Parce qu'il a vu que les hôtels-là étaient mélangés en partie d'argent, en partie de bronze, enfin d'argile. Comme l'argile et le fer ne peuvent pas se coller et adhérer totalement, ainsi ces royaumes-là vont s'allier par des alliances, mais là, ils ne peuvent pas tenir. Maintenant, la Bible déclare dans ce livre de Deutéronome, enfin, dans ce livre de Daniel chapitre 2, la sœur Augustine, pourquoi tu me regardes comme ça? Il va être trop vite. Tu me comprends? Mais je note. Ok, tu as de les noter, n'est-ce pas? S'il arrive que je vais vite, vous me calmez seulement comme ça, d'accord? Vous faites comme ça, là, je vais me calmer. Voilà, parce que je lis seulement les inquiétudes sur votre visage, parce que je parle là, je vois les inquiétudes sur le visage, je suis obligé de me freiner pour savoir si ça va vraiment bien. Donc dans ce dernier chapitre 2, la Bible déclare que dans cette vision-là, il y a une pierre qui va sortir de nulle part sans le secours, va être détachée d'une montagne, sans le secours d'un homme, et frapper la statuette, n'est-ce pas? Au niveau des pieds. Et cette statue va s'écrouler. Dieu explique lui-même que les différentes statues d'or avec les niveaux, avec les boîtes différentes, si vous regardez effectivement pour ceux qui ont fait la physique et la chimie, vous allez remarquer que les textures et les teneurs des choses vont décroissant. On commence par l'or, la masse volumique. Vous voyez effectivement la masse volumique avec la teneur est différente. Et par la suite, on va avoir le bronze maintenant dont la masse est un peu plus petite que cela. Par la suite, on va aller maintenant au niveau du fer, de l'argent, ainsi de suite. Mais maintenant, si vous regardez très attentivement, c'est qui se détache de la montagne pour venir frapper cette statuette-là n'a pas de constitution qui se trouve sur la statuette. Donc la pierre a une autre teneur, une chose qui n'a rien à voir avec tout ce qui était décrit là-bas. Par conséquent, rien du royaume qui va sortir du Seigneur Jésus-Christ ne sera inspiré de ce royaume. Par conséquent, tous les pasteurs qui se voguent dans le kingdom noir et autres là-bas en sachant qu'il faut être influencé le monde, il n'y a pas un seul verset dans la Bible qui puisse le dire. Vous voyez cela? La Bible explique que c'est du temps du quatrième royaume. Donc le royaume, quand c'est Rome, nous sommes dans le quatrième royaume. Que du temps de ce quatrième royaume. La sœur Stéphanie a dit, mais regardez, allons dans Daniel. Je crois que c'est mieux de lire parce qu'il ne dit pas question de regarder, raconter les inepties ici. Daniel chapitre 2. Je ne sais pas qu'elle dise qu'ils sont parlé de quoi là. De quoi là maintenant? Vous y êtes, on va aller rapidement. Je vais lire le songe. Vous y êtes. Je crois que c'est mieux qu'on lit. Hein. On y va. Daniel chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 24 maintenant. On y va. Can we go now? Après cela, Daniel chapitre 2, à partir du verset 24. Lisons. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Argent, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. « Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. » Argent conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. « Vous y êtes? Vous y êtes? » Continue à lire, ma chère. Oui. Non, ma chère Stéphanie, lit. Après, avant qu'on va aller là-bas. Ok. Ok. Agior conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Verset 26. Le roi prit la parole et dit à Daniel. On nommait Belshacha, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Verset 27. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astronautes, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Verset 28. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nabucodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta bouche. Mais lis, ma soeur, ne regarde pas ce qui est affiché sur votre écran. Sur ta couche, ô roi, tu t'es monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Il t'est monté. Et celui qui révèle. Attends, ma soeur, il faut lire ce qui est écrit parce que c'est important. Il lui est monté. Donc, c'est quelqu'un qui, le roi rentre dans son lit le soir, il se couche. Il a de réfléchir. Donc, les pensées sont montées dans son cœur pour savoir, maintenant, j'ai la gloire. Après moi, comment sera la terre? Lorsque cette pensée est venue, Dieu lui a accordé la vision. C'est ce qu'il a de dire là. Il dit qu'il était monté sur ta couche. Allons-y maintenant, lire. Ok. Des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Verset 30. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait à moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Verset 31. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Verset 32. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Donc, où est la description? Où est la description, n'est-ce pas? Continue, continue, parce que ce n'est pas fini. Verset 33. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. 34. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa le pied de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. 35. Alors le fer d'argile, d'airain, l'argent et l'or furent brisés en sang et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit la terre. Voilà. Donc quand on lit comme ça, non c'est bon. Quand on lit comme ça, on nous pose la question, de quoi est-ce qu'il est question? D'abord, on comprend la symbolique. La Bible déclare que cette terre-là est devenue, ça a frappé quoi, la statuette, et puis le vent les a emportés, une sorte de plus lui. Et la terre et la pierre qui avait frappé la montagne, la statuette, devint une montagne, n'est-ce pas? Maintenant, allons au verset 44 pour comprendre l'interprétation rapidement, comme vous aurez le temps d'y revenir. En même temps, je vous envoie les messages d'amour sur votre site. Verset 44. Oui. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscita un royaume qui ne se... Non, le temps là n'est pas bien conjugué. Ok. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là. Et lui-même subsistera éternellement. 45. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Amen. Et qui a brisé le fer. Voilà. Donc, l'interprétation, la vision est donnée. L'interprétation est donnée. Le point que je voulais vous faire comprendre, c'était le fait que les prédicateurs sur la terre maintenant parlent des gens, des chrétiens, comme des gens qui doivent entrer dans ces royaumes-ci. Jésus a déjà mis, quand il était sur la terre, il a dit que son royaume n'est pas de ce monde-ci. On doit vraiment chercher la face de Dieu pour connaître ces choses-ci. On a vraiment, Dieu a mis la séparation entre le royaume du monde et son royaume à lui. Le but pour lequel nous sommes sur la terre, c'est pour prêcher le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un parti politique. Le royaume de Dieu ne se discute pas avec un parti. Il n'y a pas de compétiteur contre cette partie-là. Ce n'est pas un royaume qu'on se bat pour posséder une partie à l'intérieur. Non. Le royaume de Dieu doit être établi. Ça sera établi. Sans le secours d'un homme. Et la Bible déclare que cette pierre-là est venue pour frapper. Et il est frappé. L'autre a disparu totalement. C'est-à-dire quoi? Dans le royaume qui est disparu, il n'y a rien de ce qui est du royaume de Dieu là-dedans. Dans le royaume qui vient s'établir, il n'y a rien du royaume initial dedans. Par conséquent, il n'y a rien comme imitation démocratique qui pourra se retrouver dans le royaume. Et vice-versa. Et par conséquent, tous les pasteurs qui initient les gens à entrer dans la politique pour influencer sont sous les influences. Celui qui dit ces choses-là ne sont pas sous l'influence du Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui les initie. Parce que Dieu n'influence. Même Daniel qui était là-bas n'a pas initié quelque chose ou quoi que ce soit comme rôle pour essayer d'influencer Nebuchadnezzar. Pour qu'il change la politique du gouvernement. Ou bien qu'il se sanctifie et puis qu'il glorifie que tout le royaume commence à servir Dieu. Il n'est pas allé convertir Nebuchadnezzar à la religion juive, convertir les peuples. Non, non, non. Regardez, Daniel faisait son travail. Dieu choisissait qui il voulait. Il annonçait la parole à qui il voulait. Maintenant, aujourd'hui, c'est il faut aller dans le sport. Imaginez dans le sport, être des champions. Oh, aller dans la piscine, être des Phyllis Flex. Oh, être dans le domaine commercial. Être le Mark Ober. Être les patrons de... Vous parlez. C'est quel monde nous retrouvons là? Vous allez entendre tout simplement cela. Mon royaume n'est pas de ce monde. C'est simple. Et par conséquent, donc, si ces choses ne sont pas comprises, et revenons donc dans notre sujet, je vais simplement prendre ça pour que la sœur Stéphanie puisse voir de quoi il est question là-bas. 1. La pierre qui sort n'a pas de texture identique à quoi que ce soit qui a lieu à trait à voir avec la statue qu'on a vue. Depuis la tête jusqu'au pied, il n'y avait pas quelque chose de texture, de la tenue, de la pierre là-dedans. C'est pour montrer que la pierre va être initialement donnée par Dieu et les choses de la pierre ne se retrouveront pas dans le royaume d'ici et vice-versa. Ça sort sans le secours d'un être humain. Ça veut dire que ça va s'établir qu'on le veuille ou pas. C'est Dieu qui va l'établir. Troisième chose, le royaume d'actuel est fait pour périr. Et par conséquent, si nos passés se trouvent à l'intérieur, étant les chefs d'État, ça va périr avec eux. Fin de citation. Maintenant, en revenant dans notre sujet, dans ce Jérémie chapitre 29, donc, le verset 8 nous instruit que recherchez le bien de la ville parce que votre bien-être dépend de l'heure. Ça suppose que vous avez intérêt à chercher la face de Dieu pour que la ville soit bien. Parce que si la ville n'est pas bien, vous n'êtes pas bien. Si le trouble vient dans le pays, vous-même vous êtes dans le trouble. N'est-ce pas? Le prophète Amos maintenant. Alors, dans le livre du prophète Amos au chapitre 3. Prophète Amos. Verset 6 à 8 du chapitre 3 de Amos. Quelle heure il est là-bas au Canada maintenant, la sœur Augustine? Il est 2h13 et 14 minutes. Oui, il est 20h. Et là, je me sens vraiment. Il est 20h13. Je vous le dis, ça ne se coupera plus jusqu'à ce qu'on ait fini ici, là, au Dieu. On y va. Amos combien? Amos chapitre 3. Au plus, ils peuvent couper la lumière. Même s'ils coupent la lumière, on va travailler dans le noir. Amos chapitre 3, verset 6 à 8. Amos 3, verset 6 à 8. Come on, please read. Nous sommes dans... C'est quoi chercher la face de Dieu? On était arrêté à 2 chroniques avant qu'on y arrive là-bas. On va y revenir maintenant. Allons-y d'abord. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'éprouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Voilà. Allons-y dans le livre des Lamentations, chapitre 3 aussi. Lamentations. Donc, vous voyez effectivement que si la trompette sonne pour avertir qu'il y a l'imminence de quelque chose de néfaste qui va se produire. N'est-ce pas? Lamentations, c'est toujours après le prophète Jérémie, là. Lamentations de Jérémie. Vous y êtes? Verset 31 à 39. Puis on va lire maintenant ce qu'il dit par la suite. C'est de la roche, tu peux lire, non? Puisque les enfants sont calmes maintenant. Lamentation 3, verset 31 à 39. Car le Seigneur n'est pas... C'est la version française courant, frère. Il n'y a pas de problème, on parle couramment français. Car le Seigneur n'est pas de ceux qui rejettent pour toujours. Même s'il fait souffrir, il reste plein d'amour, tant sa bonté est grande. Ce n'est pas de bon cœur qui l'humilie et qui fait souffrir les humains. Quand on foule aux pieds tous les prisonniers d'un pays, quand on défie le Dieu très haut en violant les droits de l'homme, quand on tord la justice dans un procès, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui peut, d'un seul mot, provoquer l'événement? N'est-ce pas le Seigneur qui décide? N'est-ce pas la parole du Dieu très haut qui suscite tout, malheur ou bonheur? Alors de quoi l'homme peut-il se plaindre? S'il est encore en vie, malgré ses fautes? Voilà. De quoi que c'est avec ta version, là, il faut écrire ça pour envoyer ça à l'ONU pour qu'ils comprennent qu'il ne faut pas fouler au pied, n'est-ce pas, les droits de l'homme, parce qu'on n'a pas les droits de l'homme là-bas. Quoi que ça va rejoindre la charte de l'Université des droits de l'homme. Donc, le verset 38 dit quoi, la sœur Augustine? Le verset 38 de ce chapitre 3 de Lamentation. Le verset 38 dit, par sa parole, le Très-Haut ne suscite-t-il pas et le malheur et le bonheur? Voilà. Donc, ouais, effectivement, que... Ça, c'est le 38. Ça, c'est le 38, justement. Et il pose la question au verset 36, là, que quand on fait tort à autrui, dans sa cour, le Seigneur ne voit-il pas? Et puis, il dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? Donc, vous voyez que chaque fois, quand il y a l'injustice sur la terre, ou il y a quelque chose, il y a réparation, Dieu est derrière, il est en train de vouloir frapper. Dans l'Ancien Testament, vous allez voir comment il va appeler la famine quand Abraham, du vivant d'Abraham, du vivant d'Isaac, il va appeler la famine jusqu'à ce qu'ils vont aller au roi d'Abimelech. Du temps des pharaons, il va appeler la famine. Dans le Nouveau Testament, après que Christ soit mort et ressuscité, il va appeler la famine pendant que l'Église va naître. Au chapitre 21, chapitre 11 des Actes des Apôtres, Agabus va se lever pour dire par l'Esprit que la famine vient sur la terre. Il s'est venu sur l'empereur Claude. Donc Dieu utilise ces choses pour affliger les fils de l'homme, pour qu'il les attire à la repentance. Ce n'est pas pour les faire du mal. Parce que Dieu ne mange pas, il ne discute pas le maïs avec nous. Non. Il ne discute pas le riz avec nous. Il nous prive de cela pour qu'on ait le temps de repentir, pour qu'on comprenne que ce n'est pas normal qu'on met un grain, ça produit 100. On met un noyau, ça produit des centaines. Que ce n'est pas automatique. Quelqu'un doit être en défense là pour attirer l'attention des êtres humains par rapport à cela. La sœur Augustine en train de bouger trop son micro et ça fait des bruits là, c'est désagréable. Oui, donc je crois que si tu es en train de bouger trop, je crois que voilà, tu fermes le micro. Oui, il faut couper le micro. Maintenant, quand ça se passe ainsi, qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Verset 40, la sœur Stéphanie, verset 40 à 43. Ton micro est fermé là. Recherchons nos voies et sondons-les. Et retournons à l'Éternel. Mm-hmm. 41. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. 42. Nous avons péché et nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné. 43. Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde. Et il conclut, amen. Et il conclut verset 44 en disant quoi? Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Ça, c'est la désolation. Amen. Oui, ça, c'est la désolation la plus terrible que le peuple de Dieu puisse avoir sur la terre. Remarquez, imaginez un peu ceci. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de la puissance de l'ennemi et nous laisser dans le camp de ces mêmes ennemis. Et nous devrons être en communion avec lui pour être sûr qu'il est avec nous chaque fois. Parce que dans Matthieu, chapitre 28, il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Si nous commettons le péché au point où il ferme accès à la prière et on se trouve dans le camp de l'ennemi, qu'est-ce qui va nous arriver? Je ne sais pas si vous comprenez la gravité. Il s'est enveloppé quoi, de quoi? D'un nuage pour fermer accès à la prière. À la prière. Et la conséquence, c'est qu'il il nous a rendu comme un objet de quoi? Un objet de mépris, de dédain. Par conséquent, le monde peut te dire... Toi, tu es chrétien, tu pries, pourquoi il n'y a pas de réponse? Tu pries. Vous voyez, c'est pour cela que la Bible est en train de dire indirectement là-bas que sondons, recherchons, sondons nos voies, nos cœurs et retournons à l'Éternel. C'est ce qu'il faut faire. C'est pour cela qu'il y a la seule façon. Remarquez dans Actes des Apôtres, chapitre 3, lorsque l'apôtre Pierre va prêcher, dans le chapitre 3, après la guérison de cet homme-là, à la porte de la belle, du temple-là, les gens vont se réunir, l'apôtre Pierre va les parler, et au verset 19 et 20, il dit. Repentez-vous et convertissez-vous pour que le temps de rafraîchissement vous vienne de la part de Dieu qui vous envoie, celui qui vous est destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par les prophètes. Et par conséquent, ouais, il y a besoin de repentance. Besoin de repentance, c'est-à-dire le changement d'attitude. On marche certainement d'une certaine façon en négligeant la parole de Dieu, en négligeant les instructions de Dieu, oubliant que chaque instruction de Dieu, quand c'est déjà prescrit là-dedans, noir et blanc, vous rejetez Dieu. Quand l'apôtre Paul aux Thessaloniciens va écrire les instructions qu'il va donner aux Thessaloniciens, au chapitre 4, verset 3, il dit, c'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous abstenez de l'impurité, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnelle comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Vous voyez? Puis il dit que c'est que chaque personne l'use de fraude et de cupidité dans les affaires parce que Dieu tire vengeance de toutes ces choses qu'on vous avait parlé. Après, il conclut que celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais il rejette qui? Dieu, qui vous a aussi reçu, donné son Saint-Esprit. Donc, par conséquent, chaque précepte de Dieu, les instructions que Dieu a données, quand on rejette en détournant, on l'abandonne là. C'est donc pour cela, dans ce Proverbe chapitre 8, nous avons commencé à voir aujourd'hui, il a dit, heureux celui-là qui veille chaque jour à ses portes. Le psalmiste va dire ça autrement. Il dit 7 fois le jour, je me lève de la nuit, je me lève pour méditer tes statuts. Parce que ça me donne plus de sagesse que tous les hommes. Vous voyez là, n'est-ce pas? Prenez le temps de lire psaume 119 dans la méditation. Pendant que vous êtes dans le temps de jeûne, prenez le temps de lire psaume 119 doucement en priant. Vous allez voir des choses merveilleuses là-dedans. Des choses merveilleuses cachées là-bas. Il dit que quand il entre dans les statuts de Dieu, là, Dieu lui donne beaucoup plus de sagesse pendant qu'il est dans ses statuts. Par conséquent, beaucoup de personnes vivent sur la terre. On a compris et résumé notre acte de foi ou acte de prier, de vie de la foi. Hein? Le matin, je me lève, je prie, remercie Dieu pour la nuit. Je vaque à mes occupations. Le soir, je rentre, je lis un peu ma Bible, je prie, je dors. Vous voyez comment on est fini là? C'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas ça la vie chrétienne. On est acteur de quelque chose. Vous voyez, l'empreinte digitale que Dieu nous a donnée, c'est pour signer quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? La Bible déclare dans 2 Thessaloniciens, dans 1 Timothée chapitre 2, que les femmes qui font profession de servir Dieu doivent être riches en bonnes œuvres. Vous voyez? Allons cela, 1 Timothée chapitre 2. Que Dieu vous bénisse. Donc souvenez-vous de ces versets 40 de Lamentations chapitre 3 là. Timothée chapitre 2, verset 9 et 10. C'est le verset 10 qui nous intéresse cette fois-ci. Est-ce que Stéphanie peut nous lire ça? Ouais. Verset 9. Je veux aussi que les femmes vertues d'une manière. Non. Je veux aussi que les femmes vertues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de pelle, ni d'appui somptueux. Verset 10. Mais qu'elle se pare de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Voilà. Amen. Voilà. Mais qu'elle se pare de quoi? De bonnes œuvres. Voilà. Donc ce que le Saint-Esprit attend que les femmes font, par exemple. Elle doit se parer de bonnes œuvres. Maintenant, quand une femme dit: je sors le matin, voici ma vie chrétienne, je sors le matin, je m'en vais au travail. Avant de sortir, j'ai fait ma prière du matin. Ma prière du matin. Seigneur, merci pour la nuit que tu m'as donnée. Protège-moi cette journée sur des accidents et des bandits. Au nom de Jésus, amen. Je sors, je vais au travail. Après, je rentre le soir. Merci Seigneur parce que tu m'as fait cela. Bonne nuit à toi, bonne nuit à tous les anges du ciel. Bonne nuit à Marie et à Joseph. Quand on fait ces choses-là, au fur et à mesure, le dimanche matin, on lit un peu deux chapitres là, et puis on ferme. Vous savez ce qu'on a de faire là, maintenant, comme ça, en faisant ce style de vie là. Les femmes, vous m'entendez? Le Canada, la synthétique, vous êtes là? Oui. Amen. Je suis en train de dire qu'au-delà de ces rituels là, il y a le... Qu'est-ce qu'on a dit au verset 10 là? Vous me lisez encore. Chaque personne va lire. Quand une personne lit, une autre personne lit. Ok. Mais qu'elle se pare de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc, si tu ouvres ta soupape, quand tu sers Dieu, tu dois te parer de quoi? Des bonnes œuvres. De bonnes œuvres. Des bonnes œuvres. Qu'elle se pare? Se parer, ça veut dire que s'orner. Orner. D'accord, mes soeurs? La prochaine personne, lisez. Peut-être dans une autre version, ça va dire autre chose, encore plus amplifié. Verset 10. Oui. Mais plutôt d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui déclarent vivre pour Dieu. Voilà, qui déclarent vivre pour Dieu. Donc, elle ouvre sa soupape pour dire que non, je suis chrétien. Prouve pas tes œuvres. Donc, il faut que ça se voit, n'est-ce pas? Donc, les empreintes, là, c'est que ces choses-là, ce sont les choses qui vont rester parler de toi dans ton livre d'histoire spirituelle. Ce sont ces choses que Dieu a de faire. Regardez, la Bible parle de Sarah. Quand vous regardez toutes ces choses-là, toutes ces femmes-là dont on parlait dans la Bible, regardez cette femme qui a versé le parfum sur le pied de Jésus, parce que Jésus a dit que partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, ça sera raconté à son témoignage. Vous voyez son témoignage qu'elle a fait sur la terre, n'est-ce pas? Regardez la femme de Cusa, regardez toutes ces femmes-là qui suivaient Jésus-Christ partout où Jésus-Christ était. Vous pensez que pourquoi est-ce qu'on mentionne jusqu'à ce que même à la mort de Jésus-Christ, ils sont allés acheter l'aromate pour venir embaumer le corps de Jésus? Joseph d'Arimathée, lui, il était disciple de Jésus-Christ, mais en secret. Mais ce qu'il avait, qu'il possédait sur la terre, c'était la relation. C'était lui seul qui pouvait avoir accès. Quand vous imaginez cette période-là, essayez d'imaginer quelqu'un qui est avec le chef d'État aujourd'hui, comment c'est difficile d'entrer auprès des chefs d'État. Quelqu'un qui est gouverneur, ce n'est pas les gens avec qui on pouvait aller voir n'importe comment, pour qu'ils puissent aller converser avec lui, pour prendre le corps de Jésus. On dit Jésus d'Arimathée allait demander le corps de Jésus. Donc il avait une relation. Il avait accès, une facilité pour pouvoir avoir accès là-bas. C'est lui qui a utilisé son moyen pour pouvoir prendre le corps de Jésus et aller mettre dans le tombeau. Or, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53, on disait tout simplement qu'on a mis son tombeau parmi le riche. Point. On ne dit pas qui va mettre. C'est parce que vous comprenez. Il faut la signature de votre acte de foi. Il faut la signature. N'est-ce pas la sœur Ingénieur. Yes, oh. Donc, quand tu parles des bonnes œuvres. C'est moi qui ai parlé de ça. C'est moi qui ai écrit ce qu'il a. Quand la Bible parle des bonnes œuvres. Oui. Quand le Seigneur parle, quand Paul, c'est Paul, hein, oui. Parle de vous, c'est Timothée. Parle des bonnes œuvres. Oui. Donc c'est quoi? C'est les actions qu'on fait sur la terre, comme par exemple donner à manger aux œufs, aux orphelins, ou bien c'est se parer de bonnes œuvres. C'est quoi la parole? Allons voir d'abord chapitre 5. Puisque tu l'as question, regardons d'abord et voyons ce qu'il en est. On y va. Lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Lis doucement. J'exhorte donc avant toute chose. Non, chapitre 5. Chapitre 5 de Timothée, 1 Timothée. Hein? Oui. Ok. Timothée chapitre 5 à partir du verset 1. Ne reprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement Attendez, d'abord, il veut qu'on s'arrange quelque part. Il n'y a rien de spirituel ici, c'est la pratique. Je veux que vous regardez-moi bien dans les yeux pendant qu'il parle. Ici, on ne parle pas de spiritualité. On parle de la praticabilité ici. Donc, c'est une vie. Ne pose plus de questions jusqu'à ce qu'on ait répondu à cette volée-là. Non, je ne pose plus. Je voulais juste dire que... Oui. Parce que c'est venu à partir du moment où tu as dit que... Parce qu'on se part le matin, on a une vie où on prie le matin, on prie le soir et c'est fini. Et après, tu as pris ça. Et j'étais en train de... Que tu éclaircisses. C'est pour ça qu'elle ne parle pas. C'est pour ça qu'elle ne parle pas. On continue seulement. C'est là-dedans. D'accord. Mais ce que je veux donc qu'on comprenne d'abord qu'ici, il ne s'agit pas de l'aspect spirituel de prier ou quoi que ce soit. Pour la prière, il a réglé ça au chapitre 2. Il a dit qu'il veut qu'on prie en tous les enlevant les mêmes puits et haut là-bas. Ça, c'est l'aspect qu'on va voir le matin là. Allons-y ici, continuons. Verset 7. 5. Quelqu'un peut lire parce que Jaden crie ici là. Oui, donc ferme le micro alors. La sœur de la Roche peut lire. On continue rapidement. Ma femme qui est une vraie veuve, qui n'a personne pour prendre soin d'elle, a mis son espérance en Dieu et ne cesse pas de prier et de lui demander son aide jour et nuit. Voilà. Mais la veuve qui vit dans les plaisirs est déjà morte, bien qu'elle soit vivante. Voilà ce que tu dois leur rappeler, afin qu'on n'ait rien à leur reprocher. Attendez, comment vous courez comme ça quand vous voulez passer rapidement pour qu'on ne dise rien? Vous avez entendu ce qu'on a dit là-bas? On dit voilà ce qu'on va vous rappeler. Mais je ne sais pas comment, on peut laisser les enseignements bibliques, on commence à dire que non. Mets ta main dans la poche, dis que tu es la lumière du monde, réussis ici, tu es le prince de la terre, tu es ici, tu es fort, tu es le plus lumineux. Le B à bas, on ne fait pas. Il dit voici donc ce qu'on va leur rappeler. Pour celles que les veuves joyeuses là, vous dites, si tu vis là la joie, tu dis, ouf, je suis libéré de mon mari, tu es fini seulement. Il dit, tu es mort, même si tu es vivant là, comme tu dis, tu es vivant. Continuons. Si quelqu'un ne prend pas soin des membres de sa parenté, et surtout des membres de sa propre famille, il a rejeté la foi. Lis encore le verset 7 d'abord. Voilà ce que tu dois leur rappeler, afin qu'on n'ait rien à leur reprocher. Vous avez entendu cela, n'est-ce pas? Attends, ça c'est le verset 7, c'est le verset 7 qui continue. On dit que voilà ce qu'on doit leur rappeler, afin qu'elle soit comment? Qu'on n'ait rien à leur reprocher. Rappeler, afin qu'on n'ait rien à leur reprocher. Je ne sais pas, il y a le christianisme aujourd'hui, il ne comprend pas là où on en est de se diriger. Donc, l'exemple que j'ai fait là, qui dit là que quelqu'un sort le matin, il dit que non, je prie moi tranquillement, je ne dérange personne, j'ai fait ma prière jusqu'à ce que la sueur ait coulé. Le fait que la sueur a coulé, ça ne veut pas dire que l'onction était là. C'est l'excitation du muscle. Parce que tu fais trop le mouvement, mais avec la main comme ça, la sueur va couler tout autant, même si tu dis n'importe quoi. Alors, vous voyez qu'il y a la face spirituelle de la chrétienté et la face pratique de la chrétienté. Jésus donnait en même temps la parole, le pain de vie, qui est la parole parlée. Puis, quand les gens avaient faim, ils donnaient à manger. C'est pas ce qui était fait. Voilà. Continuons ici. Verset 8 donc. Si quelqu'un ne prend pas soin des membres de sa parenté, et surtout des membres de sa propre famille, il a rejeté la foi, il est pire qu'un incroyant. Vous avez entendu? Soulignez ça d'abord avant qu'on avance. Souvenez-vous, verset 7, on a dit qu'on dit ces choses, on les rappelle ça pour que vous soyez quoi? On ne vous sent reproche, mais dans d'autres versions, on dit que vous soyez irréprochable. Or, au chapitre 2, on a dit que quoi? Que la femme doit se parer des bonnes œuvres, comme pour celles qui disent qu'elles servent Dieu, qu'elles sont les croyantes. Elles doivent avoir des bonnes œuvres. Continuons ici, suivez. Verset 9. Tu n'ajouteras une veuve à la liste de veuves que si elle a plus de 60 ans. Parce qu'on les connaît. Continue. En outre, il faut qu'elle n'ait été mariée qu'une fois et qu'elle soit connue pour ses bonnes œuvres. Souligné. Qu'elle ait bien élevé ses enfants. Ne courez pas la sœur de la rose. Suis bien les conditions. Alors, il faut qu'elle n'ait été mariée qu'une fois et qu'elle soit connue pour ses bonnes œuvres. Stoppons là-bas. Quand on dit qu'elle soit connue pour ses bonnes œuvres, ça suppose donc que cette chose était extérieure ou intérieure. Extérieure. Ça veut dire que son style de vie, des bonnes œuvres à l'extérieur, était palpable, n'est-ce pas? Remarquez très attentivement qu'ici on parle aux veuves. Et une veuve. Quelqu'un est veuve lorsque son mari est mort. Pas vrai? Mais on dit qu'elle a été connue pour ses bonnes œuvres. Ah, vous voyez comment la Bible est parfaite. Donc, dans sa vie de foi, pendant son mariage et durant la vie de son mari, était parée de bonnes œuvres. De telle sorte, quand son mari meurt, pour qu'on prenne soin d'elle, on voit qu'elle avait fait des choses, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas seulement à vous qu'on demande ça. Allons au chapitre 6, verset 17. Pourquoi on dit qu'il faut qu'elle ne soit mariée qu'une seule fois, frère? Mais c'est moi qui ai dit. Ça veut dire que si tu as tué deux hommes, c'est que tu n'es pas inscrit sur la liste des veuves. Verset 17. Ça veut dire que le cas des femmes, une femme qui avait été mariée avec un homme, l'homme est mort, elle s'est encore mariée, l'homme est encore mort, elle n'est pas considérée comme veuve de l'église. D'accord? Elle a eu deux héritages. Chapitre 6, verset 17 du suivant. Vous y êtes? Chapitre 6. Verset 17 et 18. Au mieux. Verset 17 à 19. Je crois qu'on en a parlé en bref de ces thèmes qu'on avait touché là dans instructions importantes pour l'église. On en a touché dans la première partie. On va y revenir. Bon, puisque ici, de façon spécifique, il s'agit des femmes. Parce qu'on dit à la femme de se parer. Et on va voir sur la plage. Vous savez, quand la Bible donne l'instruction, chaque fois il y aura la pratique, la mise en pratique dans la Bible. Vous pouvez voir cela dans la Bible. On va quitter ici. On va aller pour voir les gens qui ont mis cela en pratique. Au moins une personne dans l'église du Seigneur. Verset 17, qui va lire alors? Canada dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir. Le frère Camille, je vais quitter pour aller préparer ou c'est comment? Le frère Camille allait préparer la soeur Stéphanie. Que Dieu vous bénisse. Allons-y, qui va aller donc? La soeur Suzanne Lee, allons. Ok. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Amen. Donc vous voyez que pour les riches, on va prêcher sans savoir si les faits du mal, mais c'est leur recommandation là-bas. Donc c'est la phase pratique de la vie chrétienne pour quelqu'un qui se trouve au milieu chrétien comme ça. On a touché les femmes, on a touché les hommes. Donc C'est pas cela. Chapitre 9 des Actes des Apôtres maintenant. Chapitre 9, Actes des Apôtres. Chapitre 9. Vous y êtes. On y va. Verset 36 à 38. C'est quel chapitre, frère Junior? Le chapitre 9 des Actes des Apôtres. D'accord. Qui va lire alors? Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de morts. Ça veut dire qu'on voyait cela, n'est-ce pas ce qu'elle faisait, oui? Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. C'est bon, on peut s'arrêter là. Finissons avec Tite chapitre 3. Tite chapitre 3. C'est juste après le livre des Actes de Timothée là. Quel mec? Tite chapitre 3. La sœur Stéphanie a trouvé. Quel verset s'il te plaît? Verset 8 du chapitre 3 de Tite. Oh, je ne te suis pas bien. Tite chapitre 3, verset 8. Quel livre? Wonderful. Parlons, parler au Canada. Peut-être qu'il y a la neige. Tite. Ah, ok, Tite. Ok. Tite, là. Tite, chapitre 3. Je ne suis pas connecté. Tite, chapitre 3, verset 8. Il y a la version française courante là-bas même déjà. Là. Cherche une autre Bible. Oui, cherche vraiment une autre Bible. Ça va vous empêcher. Pendant ce temps, je peux poser une question toujours dans le même ordre. Oui, ma soeur. Oui, parce que dans Acte 9, 36, 39, là, la soeur Tabitha, quand on parle de bonnes œuvres et l'aumône. L'aumône, ça veut dire que c'est faire des... Est-ce que ça veut dire donner... aux pauvres, ça peut être de l'argent, ça peut exactement, être exactement. Ok. Alors, moi, j'ai une question. Prends le chapitre 10, lis le verset 1 aussi, du chapitre 10. Allons-y. Les Actes des Apôtres, toujours, rapidement. Le temps que c'était. Stéphanie, tu as trouvé? Oui. Bon, reste là-bas. On a de répondre une petite question et si on revient vers toi. Sinon, tu vas encore fermer cela. Chapitre 10, verset 1 et 2. Qu'est-ce que ça dit là, la soeur là? Ok. Chapitre 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Ok. Tu entends ça? Alors, oui, la question maintenant. Oui. Pour une femme chrétienne dont le mari n'est pas chrétien, oui. Si elle fait les bonnes œuvres et que le mari, lui, ne conçoit pas ça, est-ce que la femme peut faire quand même ses œuvres à l'insu du mari parce que c'est le Seigneur qu'elle sert? C'est individuel. Est-ce qu'il faut absolument c'est de façon individuelle, ma soeur. Les bonnes œuvres que tu as faites, tu n'as pas besoin de chanter ça sur le toit avec ton mari. Que non. Amen. Amen. Tu vois? Maintenant, okay. Allons dans le livre de Luc, chapitre 8. Je crois que vous allez m'attaquer avec les questions vraiment ce soir-ci. Allons-y. Chapitre 8. Luc, chapitre 8. Quand vous allez lire Luc chapitre 8, je vais vous dire quelque chose dans l'Ancien Testament que vous connaissez normalement. Allons-y, chapitre 8, verset 1 et 2, qu'est-ce que ça dit? Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Vous entendez ce qu'il dit? C'est aussi dans la Bible. C'est toi là, non? Non. Voilà. Vous voyez, qu'est-ce que Suzanne? C'est Suzanne qui nous intéresse, n'est-ce pas? Suzanne était femme de qui? Suzanne d'Hérode. De Chusa. C'était de Jeanne, femme de Chusa et intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres. Ah oui, c'était la femme de Chusa. C'est ça. Bon. Suzanne était la femme. De toute façon, son mari était intendant d'Hérode. Intendant d'Hérode. Si on plan sur ce plan-ci, maintenant, ils seront le ministre des Finances. Tu penses que le ministre des Finances croyait en Jésus? Non. Oh. S'il entendait un jour qu'il prenait ce truc de là, Jésus venait lui dire là, si c'est eux qui vont nous les vendre. Bon, maintenant, en prenant ces choses-là dans l'Ancien Testament, vous voyez, si vous lisez le livre de 1 Samuel, chapitre 25, il y a l'histoire de Nabal, d'Abigaël et de David là-bas. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Oui. Quand David a envoyé vers Nabal pour dire, quand j'étais là, ton serviteur était là, on a gagné tes moutons, on n'a rien pris. Pardon, donne-nous quelque chose pour qu'on puisse manger. Il a dit qui est le, il a mangé, il a fini, ça s'est enlevé les choses avec le cri. Il a dit que les gens bavardent, l'équipe bavarde, que dérange, que lui c'est qui. N'est-ce pas, David a résolu de façon claire de venir détruire toute la famille que Dieu mettait dans toute sa rigueur si aujourd'hui quelqu'un, il laisse quelqu'un vivant là-bas. Pendant qu'il allait, qu'est-ce que la femme a fait, Abigail? Elle a prêté un repas copieux. Ce dont David avait demandé avant à son mari pour le présenter auprès de David tout en s'excusant du comportement odieux de son mari. Et son mari était-il au courant? Non. Non. Voilà. Donc, non. Voilà, on continue. Finalement, Stéphanie, chapitre 3 de Tite, au verset 8. Si, c'est ça, non? Bon, c'est la Stéphanie qui est partie maintenant cette fois-ci, maintenant fait sa part de tout à la cuisine. Donc, elle n'est pas là. Bon, c'est que la sœur Carole vient d'arriver à la maison. Maintenant, la sœur Carole, Susan, vous voulez parler là? Oui, dans 1 Samuel 25, là, avec Abigail. Oui. Par contre, moi, ce qui a souvent attiré mon attention, c'est même pour ça que j'ai posé la question. C'est parce qu'à la fin, le lendemain, elle en a parlé à son mari. Oui. Et c'est là qu'il a eu une crise cardiaque. Donc, ça veut dire qu'on peut dire qu'Abigail a tué son mari avec les mauvaises nouvelles de son bien. Est-ce qu'elle était obligée de lui dire? Elle n'était pas obligée de lui dire parce que c'était quelqu'un de coloré. Puisqu'il a dit que c'est un fou, son nom veut dire ça. Il a porté encore à lui dire, à sachant ce que son nom veut dire. Tu vois? Et l'attaque cardiaque l'a attrapé là maintenant. Maintenant, il y a les femmes de sagesse. Et en fait, là-bas, on l'appelait les femmes de bon sens, n'est-ce pas? Bon sens. Le verset 8, donc vous avez toute la sagesse. Si vous voulez aller faire à Jésus, vous dites que non, ma chérie, il a fait quoi? Il va dire que non, c'est bien pour ton Jésus là, tu vas confirmer. Tu vois, d'ici, c'est Jésus qui travaille là-bas. Verset 8 du chapitre 3. Vous savez, il y a des gens qui... Non, c'est pas le moment de parler, c'est juste du foyer ici. Allons sur verset 8. Non, on va venir sur le cadre des foyers parce que il y a des gens qui... C'est pour ça qu'il dit quand quelqu'un n'a pas la grâce pour entrer dans le foyer pour dire des choses. Il faut faire vraiment attention. Il faut faire vraiment attention. Il y a des gens qui viennent me voir. Il y a des gens qui viennent me voir. Ils disent, je ne sais pas comment on peut faire ces choses-ci. Non, ne parlons pas de cela. Allons-y. Verset 8. Ça nous fait prendre cette parole est certaine. Oui. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Donc ça, c'est la mais évite les discours. Non, c'est bon. Il dit cette parole est certaine. Il faut qu'on dise à ceux qui ont cru qu'ils s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. On va revenir sur cela dans la deuxième partie de l'instruction à l'église. On va revenir là-dessus. Donc rentrons dans notre ce qui nous réunit. À moins que vous soyez fatigué. Demain 9h, il doit travailler avec la science, avec la France. Non, on n'est pas fatigué. Ok, vous n'êtes pas fatigué. On était dans 2 Chroniques chapitre 11 aujourd'hui. Nous étions au niveau de chercher, c'est quoi chercher la face de Dieu. Et nous avons compris que chercher la face de Dieu, c'est chaque fois qu'on parle de chercher la face de Dieu, c'est quand l'homme est en rupture avec Dieu, en désarroi avec Dieu, cherche le chemin que Dieu lui avait déjà initialement positionné. Le processus pour revenir à cette voie-là, on parle des repentants ou bien de chercher, chercher la voie de Dieu, la face de Dieu. Et souvenez-vous de ce qu'on a lu dans celui de Lamentations, chapitre 3, versets 40 et 44. Il dit qu'on revient à nous-mêmes, on revient à l'Éternel jusqu'à ce qu'il nous reconnaisse. Deux Chroniques, chapitre 11, commençons au verset 16. Deux Chroniques 11, verset 16. Où est la sœur? La sœur Augustine, elle est où? Elle donne. Oh, je suis là. Mais on ne peut pas qu'on va se mettre en plafond. On a cru je suis là, comme je l'ai mis en charge, c'est pour ça. On a cru peut-être que tu es tombé en sommeil, dans le sommeil, là, tu as commencé à dormir, quoi. Non, je n'ai pas sommeil. La sœur de la Rouge. Deux Chroniques 11, non, verset 16. Tu sais, lorsque quelqu'un marche et puis c'est comme s'il a vu le... Vous savez, comment vous appelez cela? L'ombre? Non, pas, ça c'est pas l'ombre. Quelque chose frappe sur ton visage comme l'étoile d'araignée. Et on enlève comme ça. Oui. Eh bien, comprends là, il parle de la roche là. Oh. Ça t'a quitté. Amen. Deux Chroniques chapitre 11, verset 16. Amen, amen, amen. Amen. Je sais même que ça m'a été quitté d'enfant. Qu'est-ce que ça faisait d'abord là? Vous savez, je parle d'elle pratiquement parce que ce sont ces choses-là. Vous remarquez, les gens passent souvent même dans un endroit où les gens ne trouvent. Il y a des gens qui passent, on peut seulement vraiment mourir comme ça sans s'en rendre compte. Vous passez à côté d'une maison, par exemple, on peut se dire peut-être que l'araignée a quitté d'un point A vers un point B. Quelqu'un marche en route. Il n'y a pas un poteau ni ici ni de loin pour qu'on puisse dire qu'il y a un fil de l'araignée qui peut quitter ici. Mais il sent un filet sur son visage. Il continue son chemin. Ouais. Il continue son visage. Il ne sait pas qu'il est tombé dans le filet de l'ennemi. Donc ça c'était arrivé à cette soeur. J'ai vu ça quitter sur. Ça c'est la nuit que c'est quitté. Quelque chose s'est levé sur toi comme ça. Oh. Tes pleurs, ma soeur, oh, ne reste pas inerte. Ça c'est l'araignée. Amen. Le verset 16 du chapitre 11. Bon, parenthèse, si on revient, je me souviens une fois, c'était à ce sujet qui disait cela, c'était ma petite soeur. Un jour au salon, je ne sais pas si elle était devenue folle ou bien. Non, frère, je ne veux pas que ça passe dans le monde entier. Donc, chronique. Tu pensais comme le frère maintenant. Il me trouve bien pour la partie là, oui. Ok. J'avais l'impression de voir. Non, bon, parce que mon mari ne savait pas que je participe. Il faut dénoncer les œuvres des ténèbres. Il faut dénoncer. Continue, ma soeur. Continue. Dès qu'on lit chapitre 11, verset 16. 11, verset 16. Des gens de toutes les tribus du Nord qui avaient à cœur d'adorer le Seigneur Dieu d'Israël gagnaient Jérusalem à la suite des Lévites pour pouvoir y offrir des sacrifices au Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres. Ils contribuaient ainsi à la puissance du royaume de Juda et affermit le pouvoir de Roboam, fils de Salomon. Cela dura 3 ans, temps pendant lequel on se conduisit comme sous le règne de David et de Salomon. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont cherché Dieu, ils ont eu leur cœur à chercher Dieu. Le cœur était tourné exactement comme sous le cœur de David. Chapitre 12, verset 14. Ils sont dans deux chroniques. En fait, tout ce qu'ils sont venus faire, c'est pour vous montrer que chaque fois chercher la face de Dieu, ça veut dire que l'homme s'est détourné de Dieu. Et c'est un cri intérieur de la repentance. Comme le psalmiste dit, que mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Donc quelque chose, l'esprit dit à l'intérieur, cherche ma face. Cherche ma face. C'est-à-dire, entre dans la présence de Dieu. Va prier. Va chercher la face du Seigneur. Allons-y. Chapitre 12, verset 14 seulement. Roboam agit mal. Il ne s'appliqua pas de tout son cœur à connaître la volonté du Seigneur. Donc, tu vois, ça c'est dans la version française courante. On dit à chercher la volonté du Seigneur, à connaître la volonté du Seigneur. Et dans notre version que la sœur Karen a, on parle de chercher l'Éternel. Ça veut dire que chercher l'Éternel revient donc à comprendre qu'on a de chercher la volonté de l'Éternel, n'est-ce pas? Chapitre 14, verset 4. La sœur Karen va lire maintenant. Edwin, sais-tu, non? Chapitre 14, verset 4. il ordonna à Judas de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Chapitre 15, verset 12. Il prit l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. C'est bon, n'est-ce pas? Chapitre 19. Chapitre 19 cette fois-ci. Verset 3. Mais, c'est moi? N'importe qui. Mais, il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles, et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Stoppons là-bas. Ici, on commence à voir quelque chose depuis qu'on a des lits. Ici, l'appréciation est faite ici. Le prophète commence à apprécier le roi. On dit qu'il s'est trouvé de bonnes choses en toi. Parce qu'il a fait quoi? Il a fait disparaître les idoles. Hein, et il y a un mot qu'il a utilisé. Il a fait quoi? Il a... Et tu disparaître as... les idoles. Oui, ça c'est la phrase appliquer pratique. Appliquer son cœur, obéir à Dieu. Appliquer son cœur à chercher Dieu. Ouais. Maintenant, vous remarquez très attentivement que la recherche donc de Dieu, il y a un lieu où cela se passe. Je ne sais pas si on se saisit. Oui. Dans ce cas précis, il y a une œuvre extérieure que le roi fait. C'est-à-dire qu'il dégage ce qui crée obstacle. Et c'est ce qui ressort justement dans ce 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Il dit, si pour mon peuple, ce qui invoquait mon nom s'humilie, hein, prie. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Se détourne de ses mauvaises voies. Cherche ma face. Quatre choses. Il dit, du haut des cieux, il exaucera, n'est-ce pas? Il y a quatre choses que le peuple doit faire, trois choses que Dieu s'engage à le faire si on fait ces quatre choses-là. Maintenant, le problème maintenant, c'est que quelqu'un peut se mettre à genoux, il prie, il dit, oh Seigneur, cherche ta face. On ne va pas devant lui pour dire, cherche ta face. Ce que tu fais là, on appelle ça chercher ta face. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire, je ne vais pas devant les yeux pour me prosterner en disant que Seigneur, je cherche ta face. Là, tu es devant sa face. Ici, on dit qu'il a appliqué son cœur à chercher la face de Dieu. Vous remarquez très attentivement, écoutez encore une fois de plus. La France dans la sainteté, ces choses ça. Il faut que les idoles soient nettoyées comme Josaphat en a nettoyé, Asa en a nettoyé tout de notre cœur. Pour que le cœur puisse être le signal, le centre, le lieu où il y a le signal entre le contact entre Dieu et nous. C'est pour ça qu'il a dit qu'il faut qu'on veille pour en garder le poteau. Il dit celui qui me trouve. Et dans ce livre de Lamentations, il a dit qu'on prie jusqu'à ce qu'il revienne et nous visite. Dans ce livre d'Osée, chapitre 10 qu'on a lu aujourd'hui, c'est ce qu'on a lu là-bas. Donc, on va prier jusqu'à ce qu'il vienne, il nous visite, il nous exauce. On a également lu ça dans le livre de Zacharie. Donc, ici, nous voyons effectivement comment il y a deux volets. Le volet extérieur qui consiste à saccager les idoles, nettoyer ce qu'il faut nettoyer, parce que c'est ces choses qui ont amené sa présence à l'extérieur. Cherchez maintenant pour que Dieu établisse son règne sur le cœur. Et donc, ici, il applique son cœur à chercher Dieu. Alors, maintenant, comment le cœur va chercher Dieu? Il médite sur ses statuts. Médite à l'intérieur pour voir si à l'intérieur, si moi-même je me suis conduit de la bonne façon. Et là, le Saint-Esprit commence à doigter dans notre vie des zones d'ombre qui sont encore dans l'obscurité. On demande pardon au fur et à mesure. Tout pardon qui est nettoyé, toutes ces choses qui sont nettoyées dans nos cœurs, nettoie le temple comme Azal l'a fait pour restaurer le temple du Seigneur et le cœur du Seigneur comme Élie l'a dressé, afin que Dieu puisse y siéger en maître et roi. Me suivez, mes frères. Chapitre 20, verset 3. Chapitre 20. Des deux chroniques. De toujours, nous sommes là-bas. Chapitre 20 de 2 Chroniques, verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Judas. Verset 4. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Judas pour chercher l'Éternel. Vous suivez, n'est-ce pas? Chapitre 26, verset 5. Chapitre 26 de 2 Chroniques, verset 5. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Soulignez ces passages. Vous avez vu les bénéfices de ça, frère? Parce que la recherche de Dieu, lorsqu'on arrive à rechercher jusqu'à ce qu'on le trouve, dans ce livre des Proverbes qu'on a commencé, il nous révèle là-bas que celui qui me trouve trouve du bonheur. Parce que on entre dans l'intimité de Dieu, dans la communication avec lui. Donc le balayage du temple de notre cœur, c'est le processus de la recherche. Lorsque cela est établi, Dieu commence à communiquer avec nous dans le cœur. Vous pouvez rester tranquille, vous avez le message. Ça se trouve à l'intérieur, le point de contact c'est ici. Vous pouvez rire, parler n'importe comment. Quand il parle, vous savez qu'il a parlé. Je ne sais pas si vous saisissez, frère. Chapitre 30. Recevez la salutation du frère Francis du Maroc. Il se trouve là, il a dit dormir. Je crois qu'il va venir vous dire un coucou, bonsoir. Frère Francis. Frère Francis. Non, on a eu une dure journée là. Chapitre 30, versets 18 et 19. Car une grande partie du peuple, beaucoup de. Oui, c'est ça. Car une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d'Éphraïm, de Manassé, d'Issacar et de Zabulon, ne s'étaient pas purifiés, et ils mangèrent la Pâque sans se conformer à ce qui est écrit. Mais Ézéchias pria pour eux en disant, « Veuille l'Éternel qui est bon pardonner. » Tous ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu, l'Éternel, le Dieu de leur père, quoiqu'ils n'aient pas pratiqué la sainte purification. Et vous voyez que Dieu va exaucer à ces prières-là, n'est-ce pas? Ézéchias, les gens vont manger la Pâque sans être purifiés et rien ne doit les faire. C'est terrible. Mais souvenez-nous du chapitre 26, verset 5. Il a demandé que vous, en lui durant ce moment où il appliquait à chercher la face de Dieu, Dieu le fit prospérer. Mais aujourd'hui, dans nos les kingdoms now, dit que non, tu donnes seulement à l'homme de Dieu, tu prospères. Il ne vous prospère pas. Chapitre 34, enfin. Merci. Chapitre 34. Chapitre 34, verset 3. Ok. La huitième année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Et la douzième année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en métal fondu. Ceci est amusant. Ce roi-ci, la huitième année, il commence, comme il était encore jeune, il commence à chercher Dieu. Il commence à chercher Dieu. La révélation commence à venir que les idoles sont dans le temple et autres. En quelle année? La douzième année. Donc, pendant combien d'années? 4 ans. Canada dans la sainteté, bonsoir. Et à bonsoir, samedi, et à samedi prochain. Oui. Allô? Oui. Allô? Oui, ma soeur. Ce n'est pas fini, je ne suis pas encore parti. Ah! Voilà. Donc en résumé, on voit, et comme on a lu là, si on passe du temps dans la Bible là, pour voir toutes ces choses, on voit que chaque fois, le Saint-Esprit, comme David le dit, il dit, mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Quand vous êtes dans le désordre, vous savez effectivement que vous devez aller, vous avez besoin d'une communion avec le Seigneur. Mais le vrai problème, c'est que Satan, voici l'obstacle donc. On arrive maintenant. Voici l'obstacle à la recherche de Dieu de la manière biblique. Voici l'obstacle. Ou mieux, les obstacles qui peuvent se résumer en ceci. Nos occupations humaine. Donc ça peut se résumer en cela. C'est ça qui nous empêche de chercher Dieu comme il le faut. Donc en résumé, voilà l'obstacle. Ou bien les obstacles sont résumés en cela. Et c'est vrai que mon frère, chercher la face de Dieu dans ce monde moderne, c'est vraiment difficile. Luc chapitre 22. Mais on peut prendre le chapitre 21 d'abord. Prenons le chapitre 21 de Luc. Vous y êtes? Oui. le Seigneur dit dans sa parabole, il dit que le royaume des cieux est semblable, si vous lisez ce Matthieu chapitre 13 là, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a un champ dans lequel se trouve un trésor. Un homme qui a trouvé ses champs va et vend tout ce qu'il possède, vient et achète ses champs. Vous voyez que si on comprend que la priorité c'est dans le royaume, que la priorité c'est du côté du Seigneur, on fera tout pour posséder cela, n'est-ce pas? Chapitre 21, la sœur de la Roche, comme ta version c'est français courant, dis-nous couramment le verset 34, voir. Du chapitre 21 de Luc, c'est ça? Oui. Luc chapitre 21, verset 34. Prenez garde, ne laissez pas votre esprit s'alourdir dans les fêtes et l'ivrognerie, ainsi que dans les soucis de cette vie. Sinon, le jour du jugement vous surprendra tout à coup, comme un piège. Vous avez entendu? Car il s'abattra. Non, c'est bon. Ça, c'est le verset 34. Vous avez entendu la version française courante, n'est-ce pas? La version française courante est faite pour effrayer. Vous voyez? Donc, relis encore ça, ma soeur, dans la version française courante. Prenez garde. Ne laissez pas votre esprit s'alourdir dans les fêtes et l'ivrognerie, ainsi que dans les soucis de cette vie. Sinon, le jour du jugement vous surprendra tout à coup comme un piège. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites maintenant? Vous voyez effectivement que ce sont les soucis de cette vie-ci qui vont alourdir notre cœur et nous dérober de l'objectif, n'est-ce pas? Donc voilà l'obstacle majeur. Ça nous fait le standard et les choses qu'on a construites tout autour de nous. Parce que c'est qu'il est convenu d'appeler l'American Dreams ou les choses qu'il faut réussir, le standard qu'on s'est fixé, qu'il faut avoir des objectifs pour réussir dans cette vie-ci. Et réussir, c'est quelqu'un qui a un bon boulot, un bon mariage, avec un enfant et une fille, un garçon et une fille. Avec sa petite voiture, il ne dérange personne. On prie le matin, on prie le soir, on va à l'église ensemble. Voilà le standard de la vie. Après, on va en vacances au Panama. Non, on passe se reposer. On construit un petit château là-bas au village où on se repose. Et on prépare sa retraite tranquillement. On ne dérange personne. Vous ne dérangez personne, Satan va vous déranger. Oh, vous voyez? Alors que Jésus dit ici que prenez garde de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent. Mais tu as quand même raison. Je veux regarder le code. Je te fais signe. Courage. Donc, regarde le code, tu lui fais signe. Le code, maintenant, c'est qu'il faut se repentir. Donc, voyez, il dit, prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent. Ça veut dire que les pesanteurs, les lourdeurs peuvent entrer sur le cœur. Et c'est quand, écoutez très attentivement, quand les pesanteurs entrent sur le cœur, voici comment ça se manifeste à l'extérieur. Quand vous allez lire un verset biblique, vous voulez lire un passage biblique, vous renvoyez. Vous allez prier, vous renvoyez. Vous voulez jeûner, vous renvoyez. Ces choses sont déjà installées. Le cœur ne prend plus plaisir, comme David le disait, quand on me dit aller à la maison de l'Éternel, il y a plus de la joie. Vous voyez? Cette excitation-là d'aller entrer en communion avec le Seigneur. Mais pourtant, si c'est l'entretien d'embauche, on dit qu'il y a l'entretien d'embauche, madame vous appelez à que vous passez un entretien d'embauche. La nuit-là, tu n'as pas dormi, rien ne peut faire obstacle. Tu vas prendre tous les coups, aller même bûcher devant le miroir pour voir comment tu vas te comporter devant le miroir comme ça là. Mais quand c'est pour le roi des rois, on dit, ah, Jésus dérange. Le Seigneur connaît comment on est faible, dis donc. Il sait qu'on est faible. Il faut dire cela devant le patron. Il comprend. Il va comprendre. Il faut dire ça devant le roi, celui-là qui va engager dans le travail. Il pourra entendre cela. C'est pour cela que le Seigneur a dit dans Proverbes chapitre 2, que si on le cherche comme on cherche l'argent. Donc la manière de chercher, c'est la manière qu'on cherche l'argent. C'est-à-dire que cet engouement, cette haine qu'on a, la soif de réussir sur le plan financier pour être quelqu'un. Il dit, heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. Les débonnaires, ceux qui ne savent pas, ne cherchent pas à être quelqu'un. C'est pour ça que si vous allez du côté du Seigneur, vous allez voir que la prière, au lieu de la prière de réussite, la prière de réussite que vous faites dans cette direction, c'est pour avoir de l'argent. De l'autre côté, c'est plus d'ébrisement de la part du Seigneur. C'est la sœur Stéphanie qui est venue là. Stéphanie, tu as raté, je te le dis, tu as raté. Donc, plus... Il y a des sœurs qui sont arrivées. Prends bien soin d'elles, d'accord? Parce que les bonnes œuvres qu'on a dit dans 1 Timothée, là, il faut que tu marques cela, d'accord? Quand elles viennent comme ça, lave-le les pieds, que, oh, les saints du Seigneur, permettez-moi de laver vos pieds, les neiges qui sont sur vos pieds. Donc, souvenez-vous de ceci. Il dit, prenez garde que vos cœurs ne s'apaisantissent pas des excès de manger et de boire et de quoi, pas des soucis de la vie, et que ces choses ne viennent sur vous à l'improviste. Ici, je disais donc ceci. Le signe de cette chose-là, c'est le renvoi de toutes les choses spirituelles. Vous faites un programme, vous renvoyez. Vous faites n'importe quoi, vous renvoyez. Et vous trouvez vous-même des justificatifs pour justifier cela, pour que ça soit plausible pour vous. Éloignez-vous de cela. Soyez ferme. Quand vous décidez de faire n'importe quoi, faites-le. Quand c'est un jeune, ne permettez pas que rien ne vienne faire obstacle. Parce que quand vous décidez d'aller faire une course, vous ne voulez pas que quelque chose vous gêne. Vous faites votre travail. Quand on dit que le travail commence à 7h, même s'il neige, vous faites tout pour être au travail à 7h parce que vous aurez des pénalités sur votre argent. Et donc là, lorsque c'est pour l'argent, vous voyez que c'est pour l'argent, vous faites tout pour vous en sortir, pour y aller. Mais pour Dieu, on peut trouver des justificatifs. Ce sont les précepteurs présentés qui sont entrés. Donc il faut s'entraîner, entraîner son cœur à cette réussite-là. Que Dieu vous bénisse, Canada dans la sainteté. Mais donc, c'est une aberration quand les gens disent que le Seigneur ne m'a pas mis ce fardeau à cœur. Quand parce qu'il y a des... Quand quelqu'un va au travail, il part chercher jusqu'à ici le contrat, le Seigneur le faisait mieux. C'est ça, c'est à ça que j'en viens, que il y a des actions qui doivent venir de nous, dans le sens où on doit obéir à ce que la parole nous dit, tout simplement, à ne pas attendre qu'on dise que le Saint-Esprit vient nous checker un peu ou bien vient nous parler la nuit. C'est ce qui est intéressant. Qu'on sente que je dois me lever pour jeûner. Et ça, c'est les enseignements qu'on a beaucoup eu dans les églises. C'est ce qui n'est pas normal. Quelqu'un, moi, je me rappelle, avant de jeûner, je disais, je vais prier. Si le Seigneur me met à cœur, je vais jeûner. Pourtant, quand j'étais plus jeune, quand j'étais étudiante, J'avais mes jours de jeûne. J'avais établi mes jours de jeûne. Avant qu'on ne commence à me gâter l'esprit dans les églises en me disant que j'avais mon jour de jeûne le mercredi. Tous les mercredis, je jeûnais mes frères et sœurs. Ça, c'est le self-discipline. Après, j'ai commencé à dire... Ça, c'est le self-discipline. Oui. Chacun doit se discipliner. Vous voyez? Alors maintenant, vous voyez que ces mauvais enseignements sont entrés au point où, à un moment donné, le chrétien ne sait même plus ce qu'il faut faire. Maintenant, quand vous voyez quelqu'un qui a la maladie dans son corps, on lui dit non, crois maintenant que tu es guéri, ainsi de suite. Quand on dit ces choses-là, Dieu a mis le fardeau de ta guérison dans le cœur. N'est-ce pas là-bas, on souhaite seulement que ça quitte rapidement parce que c'est le mauvais, non? Quand il faut prier maintenant, on dit que Dieu va comprendre. Il faut qu'il me mette le fardeau là sur le cœur. Il ne met pas le fardeau sur le cœur. Il ne met pas le fardeau sur le cœur. Quand le Seigneur Jésus a dit que vous êtes mes disciples, si vous aimez les uns les autres, il a déjà dit ça, tu dois aimer, point. Il y a des choses qui sont précieuses. On dit celui qui rejette ses projets ne rejette pas un homme. Quand la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Quelqu'un n'essaie pas de dire que non, Dieu va me mettre à cœur de me sanctifier. Il a déjà écrit là que tu dois te sanctifier. Voilà, n'est-ce pas? Quand il a déjà dit que aimez-vous les uns les autres, non, quand Dieu va me mettre à cœur, je vais l'aimer. Non. Il y a des choses que nous devons faire parce que l'instruction a été déjà donnée. Quand vous avez... Mais quand... Il y a les règles de travail, même dans votre poste de travail, qui ne vous plaisent pas, non? Quand vous signez un contrat, vous aimez passer le temps avec vos enfants. On vous dit c'est 7h, 18h, vous prenez votre premier pas, vous dites qu'il va faire comment? C'est vous qui vous arrangez à la maison à respecter ces heures-là. Donc, ça veut dire que vous managez vos enfants en fonction de ces heures-là. Mais quand c'est pour Dieu, on dit non, il dit trop. C'est quand on parle trop que Dieu entend. Va dire ça au travail et on va voir. Mais qu'en est-il de la phrase où le Seigneur, on dit, qui est écrite dans la Bible, où on dit que c'est le Seigneur qui donne le vouloir et le faire? Comme par exemple, elle a dit de donner maintenant déjeuner, par exemple. Ça fait tout le monde. N'est-ce pas, ma soeur? C'est ça qu'il a dit là maintenant. Quand il dit par exemple, regarde par exemple, tout à l'heure nous avons. Il a donné. Attends, ma soeur. Le fait. Attends. Ok. Rentrons dans 1 Timothée chapitre 6 là, tout à l'heure. Regardez. Vous y êtes? 1 Timothée chapitre 6, c'est Stéphanie. Quel verset? Toi, s'il te plaît. Tu as le problème de volume là-bas. Verset 17. 18 et 19. On va entendre une phrase là-bas. Je vous ai ramené là pour qu'on entende une phrase. Allons-y. Verset 16. Qui seul possède l'immoralité qui maman. Habite une vie. Maman. Possède quoi? Qui seul possède? Oui. L'immortalité. C'est ça, pas l'immoralité. L'immortalité qui habite une lumière inaccessible, oui. Que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu Stoppons d'abord qui nous donne avec abondance oui, toutes choses pour que nous en jouissons. Voilà. Maintenant, la Bible dit ici qu'on recommence là. Ça veut dire qu'un riche peut être là, il est orgueilleux parce qu'il est riche, il voit les gens, il regarde les gens du haut. Lorsque le Saint-Esprit va dire, toi qui es riche, sache que tu ne dois pas être orgueilleux. Tu dois savoir que Dieu t'a donné ces richesses-là et ainsi de suite. À cet instant-là, il doit se mettre à l'œuvre. Je ne sais pas si vous comprenez. Il ne peut pas dire que le jour où Dieu va me mettre à cœur, il ne serait plus orgueilleux. Il doit se ranger. Il doit se ranger. Parce que c'est une instruction. Continuons la lecture, ma soeur. Verset 18. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre. Donc, le riche s'assoit comme ça. Il ne savait pas comment on va faire avec ses biens. On dit que la Bible me dit de leur dire de faire du bien. Il dit que j'attends que Dieu me mette ça à cœur. Vous êtes fous seulement ou qu'est-ce qui ne va pas avec vous là maintenant? On dit que recommandez-leur, dites, vous devrez faire, c'est une instruction. C'est un peu comme le cadre du baptême, comme on dit aux gens qu'il faut se baptiser. Maintenant, il dit que non, j'attends que le Seigneur me convainc. Il n'y a pas de conviction pour le baptême dans la Bible. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une seule trace de conviction pour le baptême. Vous voyez là, n'est-ce pas? Je connais quand l'apôtre Pierre a baptisé, quand il a fini prêcher, quand le Saint-Esprit est descendu, il dit peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? La Bible déclare qu'il ordonna qu'ils fussent baptisés. On a conçu tout genre de choses comme ça. Donc non, ma soeur, tu n'es pas convaincu, ne te baptise pas. Maintenant, la Bible déclare que si tu croyais, vous devrez être baptisé. Il n'a pas expliqué à Corneille que j'étais fait un bref cours de catéchisme pour le baptême, pour vous baptiser. Non. La Bible déclare qu'il a ordonné qu'on soit baptisé. Parce que l'ange avait dit à Corneille que cet homme-là qui va venir va te dire les paroles par lesquelles tu dois être sauvé. Donc Corneille est vierge, c'est à pied de dire les choses qui doivent le conduire dans le salut. Et puis avait la chose à dire. Il dit, l'autre obéit. Maintenant, ici, il dit, recommande-leur d'être quoi, ma soeur Stéphanie? Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Donc, quand on dit ça à un riche, qu'est-ce que le riche va attendre de faire? Qu'est-ce qu'il est censé faire? Faire du bien. Mais il va faire ça comment? Il va se mettre à l'œuvre ou bien il va attendre que Dieu lui dise cela par un songe? Mais c'est pour ça qu'il crée beaucoup le songe sera plus clair que le verset biblique. Quand on a dit faire du bien, tu dois faire. Dans tout à l'heure, on a aussi 1 Timothée chapitre 2, verset 10, où on dit aux femmes d'être riches en bonne œuvre. D'abord, le verset 9 dit que je veux que la femme vêtue d'une manière décente ne s'épargne ni de tresse ni de ceci. Quand vous parlez là, vous demandez à Dieu de vous parler pour vous parler. N'est-ce pas? C'est quand il dit qu'on ne vous parle pas que vous discutez plutôt encore. Il dit que maintenant, parlez-vous des bonnes œuvres. Il dit que parlez comment? Il faut qu'il me touche le cœur. Ah, vous parlez. Canada dans la sainteté, bonsoir. Ça va. Bonsoir, ingénieur. Oui. Des questions? Oui. Pardon. Donc, en fait, rechercher Dieu, rechercher la face de Dieu dans ce monde moderne, c'est. Oui. Est-ce qu'on peut utiliser les enseignements, parce que déjà, pour quelqu'un qui n'a pas commencé à purifier son cœur, c'est difficile qu'il commence dans la méditation. Est-ce que les enseignements peuvent aussi aider comme ça à rester devant la face du Seigneur et chercher vraiment le Seigneur? Et au fur et à mesure, il va avoir le nettoyage, et puis la purification du cœur, et puis la méditation qui va s'installer, et puis atteindre le but visé. Voilà, vous voyez, les enseignements ont un but de faire édifier. Ça peut orienter et indiquer la voie à suivre. La méditation et la recherche de la face de Dieu, c'est un style, c'est une discipline de vie bien précise. Ça veut dire que c'est un travail intérieur qu'on fait de façon perpétuelle. Et il doit être connu. Or, les enseignements, tu peux écouter les enseignements alors que tu en es de travailler et autres, parce que tu veux écouter les enseignements. D'accord, ma chère sœur. Mais ceci, c'est un travail du cœur où on reste devant le Seigneur, seul à seul devant lui, pour savoir, pour amener notre cœur devant sa face. Donc, c'est un peu différent. Alors que l'enseignement, tu peux écouter l'enseignement pour avoir les renseignements sur quelque chose. Mais ici, on va devant le trône pour que les choses soient débarrassées, les choses soient mises pour entendre sa voix. Ok, d'accord. Et là, maintenant, moi, ce que je trouve difficile dans ce jeûne-ci, la recommandation, je la trouve difficile, c'est juste prier pour le Cameroun. Moi, je suis toujours poussé à dire, Seigneur, purifie mon cœur, oh, tout ce qui... Je suis encore là dans cette, dans cette façon de prier. Mm-hmm. Et puis quand j'ai lu même 2 Chroniques 7, quand il dit que si mon peuple, ce qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie, C'est dépend de sa mauvaise voix. Je me dis, mais attends, quand je suis. Normalement, je le dois de dire, Seigneur, purifie mon cœur. Mais tu le fais pour le Cameroun, parce que tu es un pécheur du Cameroun aussi. C'est pour ça que. Voilà, que... c'est ça donc. Oui. Oui, donc je me dis, en tant que Camerounaise, déjà, il faut que je m'approche de lui le cœur. Mais pas Seigneur, change le cœur de mon mari pour qu'il croit en toi. Pas l'autre là. L'autre là, c'est pas... comment tu veux. C'est pas pour le moment là-bas, n'est-ce pas? L'autre là, c'est pas pour le moment. Okay. Mais c'est dur, hein. c'est dur. De vraiment seulement se focaliser sur ce sujet de prière là. Et pourtant, il faut qu'on se discipline par rapport à cela. Parce que quand vous êtes concentré dans votre travail, on dit qu'il faut trouver tes choses, vous faites le développement sur ce que vous trouvez. À l'école, on a formaté notre système. Quand on avait 4 heures de philosophie, on faisait les 4 heures, on restait sur place, c'était philosophie. Jusqu'à ce que quand on finissait même le 4 heures passé, vous ne savez même pas que c'est passé. Mais quand c'est sur la Bible, on dit que oh, ça fait longtemps, j'allais lire. 15 minutes, c'est même pas encore passé. Vous voyez? Pourtant, il faut aussi. Ça, c'est pour appliquer son cœur. Quand vous allez avoir ces exercices, on a pour but d'entraîner le cœur à vivre un style de vie. Un courant de vie qui n'est pas selon le train de ce monde. Parce que ce qui se passe dans le monde maintenant, et dans le monde chrétien particulièrement, c'est que on prie en fonction des circonstances qui nous sont présentées. C'est un danger. C'est-à-dire qu'on entend que, oh, la soeur de la roche, oh, quoi, dans la famille, il y a des morts. Telle personne est morte. Oh, donc ça veut dire l'esprit de mort est dans notre famille. Ça veut dire que chasse l'esprit de mort. Ça veut dire que ça, c'est le mois, il faut chasser l'esprit des morts. Quand tu finis comme ça, quand il y a un peu de relève, personne ne meurt plus, ce sont les enfants qui tombent malades. Hey, c'est l'esprit de maladie. Esprit de maladie. Vous voyez effectivement que vous perdez le temps avec les énergies dans toutes les directions. Or, si vous concentrez devant le Seigneur va vous donner quelle est la cause directement, alors que vous êtes dans la présence du Seigneur. Il vous donne la cause, vous priez, vous soumettez ça au Seigneur. Ce n'est pas en criant et en disant aux gens, vous savez, il y a des gens qui sont incompréhensibles. Il y a des gens qui m'ont fui tout simplement à cause de ceci. Vous voyez, quelqu'un appelle, il me pose le problème. Suivez très attentivement et je ne leur en veux pas. C'est ce que la religion les a enseigné. Et donc, quand la personne m'appelle, il pose le problème, je suis en train de causer, oui, ma soeur, oui, je suis en train de faire. Vous savez, quand je pose, la meilleure façon de me concentrer avec vous, c'est de faire autre chose. Quand je suis en train de faire autre chose, là, je suis bien concentré. Mon cœur est stable avec vous. Mais mon intelligence est en train de faire autre chose. Mon cœur est stable avec vous. Parce que si vous regardez comme ça, je suis fixe là, je vais partir quelque part d'autre. Je vous regarde comme ça, je serai quelque part en train de parler, vous allez parler, vous bouger la tête là, mais je ne suis pas avec vous. Et donc, cette bonne personne pose le problème. Oh, frère Junior, je souffre. Mon mari m'a tapé. Hier, il a encore fait ceci. Je le regarde comme ça. Bon, maintenant, une fois, deux fois, je cherche la direction. Si la direction ne vient pas, il ne peut pas bavarder. Vous comprenez ce que ça veut dire? La conséquence, c'est quoi? Quand les gens sont habitués à ce que quand on dit comme ça, on dit, oh Seigneur, intervient dans cette situation. Maintenant, cette personne veut que je prie pour qu'elle entende que je suis en train de prier. Dans ces conditions-là, je suis en train de la prier à qui? À sœur. Donc, si elle entend, elle veut entendre la prière que je fais, ça veut dire qu'elle désire entendre ce que je suis en train de dire. Or, je peux être en train de causer avec elle comme ça. Je prie pour savoir quelle est la direction. Là, elle n'entendra jamais ce que je suis de prier. Et puis, il lui dit, par exemple, ma sœur, il y a le cri d'une jeune fille de ton côté, la sœur Augustine. Oui, c'est ça. Hein, la sœur Augustine? Oui, frère Junior. Comment ça, oui, encore? Je pense toujours à la question, oui. Oui, donc c'est un exemple comme ça. Or, elle n'a pas ouvert la bouche pour parler quoi que ce soit. Cette autre, la sœur de la ronde n'a pas parlé d'araignée, ni quoi que ce soit qui est arrivé quand elle était jeune, pendant qu'elle traversait, comme ça, elle courait, c'est passé dans le salon sur elle. Maintenant, quand ces choses-là viennent tout naturellement, vous laissez Dieu faire. Maintenant, comme on est habitué à ce qu'on peut voir les serviteurs de Dieu dans le monde, on entre dans le bureau, on donne une enveloppe. Comme on a donné l'enveloppe, ça excite le Saint-Esprit en lui. Il dit Yaba, Yaba, Yaba, Yaba, Yobo, Yobo, Yobo, Yobo, Yobo, Yobo. Il prie. Et on veut entendre cette voix-là. Il a prié. On dit qu'il a trop prié. Il a mis la main sur moi. On croit que c'est ça qui fait que Dieu fasse quelque chose. C'est pas ça. Vous voyez? Dans le livre des Lamentations qu'on a lu, on dit que si l'Éternel des armées parle, qui ne prophétiserait? Il faut qu'il parle. Il faut que ça soit impulsé sous l'impulsion du Saint-Esprit. Donc, ces bien-aimés-là, quand ils font ça, et puis il faut dire que c'est que j'ai passé qu'il ne prie pas pour les gens. Je lui pose problème. Il ne dit rien. Je vais dire quoi si Dieu ne parle pas? Qu'est-ce qu'on va dire s'il ne parle pas? Et donc, maintenant, pour le faire du bien, si elle dit, oh ma soeur, Seigneur, je prie que tu touches ma soeur, tu touches le cœur de son mari, elle pleure un peu les larmes. C'est les larmes, qu'elle pleure, c'est naturel qu'elle pleure. Oh Seigneur, oui, elle pleure. Ça ne changera rien parce que le résultat sera là, il n'aura pas été changé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, ces choses-ci, on a hérité beaucoup de choses dans la religion où on croit effectivement qu'il faut faire cette situation. Il faut seulement marcher selon le canevas que Dieu a donné. Dieu a dit qu'on cherche sa face, il y a un moyen de chercher sa face. Et vous ne pouvez pas être en train de chercher sa face Regardez tous, regardez, vous êtes les femmes. Regardez combien de personnes passent le temps devant Novelas, Nollywood, France 24, ainsi de suite. Regardez, regardez seulement ce temps-là. Comprends. Et ce qu'on accumule en nous. Imaginez 2 heures à Novelas, 3 heures à, vous appelez, Nollywood, 4 heures à Bollywood et Hollywood, ainsi de suite. Par jour, au moins 6 heures de temps. Supposons qu'on passait ces 6 heures de temps dans la méditation et le jeûne. Supposons seulement. Et que ce soit chaque jour. Regardez depuis le temps que vous avez connu la télévision. Peut-être 30 ans maintenant. 30 ans de vision de la télévision. Imaginez que les 30 ans, vous étiez dans la prière. Qu'est-ce que ça devait venir pour vous? Vous avez vu que ces 30 ans de perversité que vous avez mis en vous et que maintenant, il faut commencer maintenant à les déconstruire, encore les détacher. Vous voyez là où l'on est, n'est-ce pas? Donc, ce sont les choses. On est d'abord né dans le péché. On est né maintenant, on est venu maintenant accumuler les autres pour imiter les blancs. On prend encore les péchés, encore met en nous. Pour nous, ne nous laisse pas. Il faut détacher pour nous, pour nos arrière-grands-parents, pour les blancs qu'on a imités, pour les autres choses qu'on a fait, ce qu'on a cherché nous-mêmes. C'est ça qu'il faut détacher. Et les gens croient que ça va comme ça finir en un jour, que non, non, non, on va dire comme ça, c'est fini. C'est pas comme ça. Il faut un travail. Parce que notre cœur a eu du temps à être imprégné de la puissance des ténèbres. La première année que vous fermez vos yeux, maintenant, vous allez prier. Que, si on dit seulement que 5 minutes, là, prions là pour le Cameroun. Vous allez voir que 2 minutes là, vous êtes allé au travail. Qu'il y a une soeur là qui m'avait fait le problème. 4 minutes, vous retrouvez plutôt. C'est votre pensée qui vous amène. Pourtant, le sujet, c'est le Cameroun. Jésus, notre Seigneur. Si vous lisez Matthieu chapitre 26, quand il est allé dans le jardin de Gethsemane, il n'avait pas 2 sujets de prière. Au chapitre 17, un seul sujet de prière était là, l'unité des disciples. Il priait pour les croyants. Je prie pour ceux-ci. Je ne prie pas pour le monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés du milieu du monde. Je Père Saint, préserve-les du mal. C'est ce qu'il disait dans la prière. Dans le jardin, il a dit, attendez-moi ici, il m'en vais prier. C'est pas ça, mes soeurs. Quand il s'est levé, il est avancé là-bas, il ne priait plus pour le monde. C'était son combat là-bas. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je ne la boive. Que ça ne touche pas, non pas ma volonté, mais la tienne. Il a fait ça pendant 3 heures de temps en faisant ce style de prière. C'est seulement ce qu'il disait. Il a fait, il est rentré. Il dit, vous n'avez pas pu résister 1 heure avec moi, veiller et prier afin que vous tombiez pour la tentation. Donc il a fait 1 heure. Puis il est allé, se jetant encore à sur ses genoux, répétant les mêmes paroles. Il a encore duré 1 heure, rentrant encore. 3 heures de temps, le Seigneur fait une seule prière. Il n'était pas là pour prier que Seigneur, tu as vu comment Héron m'a chassé l'autre jour dans la ville. Tu as vu l'autre femme là qui a voulu verser le parfum. Les gens ont dit qu'on donne ça aux pauvres. Tu vois comment les gens sont méchants sur la terre. Il n'était pas là pour cela. Là, c'était le lieu de pressoir de l'huile. Gethsemane. Il fallait presser l'huile jusqu'à ce que, pour voir ce qu'il va en sortir. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, ce que nous avons à faire, faisons-le promptement. Ne renvoyons pas. Ne permettons pas que les filets de ces mondes-ci puissent nous fixez-vous des objectifs. Des objectifs par rapport à votre foi. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, il dit que, allons-y là-bas, merci Père. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 9. Donc, c'est pour concorder ce que la sœur Karine disait tout à l'heure là. 1 Corinthiens chapitre 9. La sœur de la Roche va lire dans la version français courant pour que je suive ce qu'on dit là-bas. Verset 24 et 27. Vérifions d'abord que la soeur Augustine en a trouvé déjà. Ça va derrière ma soeur Augustine? Oui, j'ai déjà trouvé. Et la soeur Stéphanie, elle est où là? C'est Stéphanie, elle a trouvé ou bien elle allait voir les visiteurs? Verset 24 et 25. 1 Corinthiens 9, verset 24 à 25. Vous savez sûrement que ceux qui participent à une course courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui ne dure pas. Mais nous le faisons pour gagner une couronne qui durera toujours. Amen. Stop. Amen. Stoppons là-bas. Regardons le dernier volet. Il dit, mais nous le faisons. Quand il parle de nous le faisons, il parle de quoi? Un autre match. Non. Regardez très attentivement. Lis encore le verset 25. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Oui. Ils le font pour gagner une couronne qui ne dure pas. Oui. Mais nous le faisons pour gagner une couronne qui durera toujours. Quand il dit nous le faisons, nous faisons quoi? Qu'est-ce que nous sommes censés faire pour gagner une couronne qui est là? Qu'est-ce qu'il a pris le temps de parler? Il parle de quoi? Oui, discipline. Mais la discipline, pas la marche. Pas n'importe quelle discipline. Là-bas, ta version a parlé de quoi? Sévère. Voilà. Si ceux des mondes font, s'imposent des disciplines sévères pour gagner une couronne incorruptible, enfin corruptible, quel sera l'adjectif qualificatif qu'il faudra qualifier notre discipline à nous? Une discipline sévère. Bonne soirée alors. Pour répéter la question, comment? Je n'ai pas bien saisi la question. J'étais en train de dire ceci, c'était pour concorder ce que la soeur Karine disait qu'avant, elle avait une discipline de vie, elle avait ses jours de jeûne. Et que dans les églises, on leur a enseigné avec ces faux enseignements-là que non, il faut être poussé par les gens pour jeûner. Et ceux qui disent ça, vous voyez comment le ventre gonfle. Parce qu'il a du mal à jeûner. Il cherche des gens qui vont être dans son coin. L'apôtre Paul dit ici que ceux qui courent dans les stades, ça c'est quoi le cadre mondain, s'imposent des cours de discipline. J'ai vu une interview de Mark Phelps, celui qui a gagné beaucoup de championnats, des records dans la natation. Il a dit qu'il a travaillé 365 jours sur 365. Il a travaillé chaque jour, il ne touchait pas femme, il ne touchait pas l'alcool, il ne fumait pas. Il faisait des entraînements chaque jour. Et quand il fait comme ça, il vient maintenant, il travaille des entraînements, il travaille comment glisser dans l'eau ainsi de suite, comment respirer sous l'eau, comment maintenir le truc. Il travaille cela comme ça pour aller faire une compétition. Quand il le fait, quelqu'un qui reste comment, il ne nage pas, après il va aller compétir avec lui. Pour quelqu'un qui est habitué, un habitué de la compétition, tu ne t'en sentiras pas. L'apôtre Paul explique donc ici que ceux-là donc, ils font cette chose-là. Si Marc-Philippe a fait 365 jusqu'à 365, s'entraînant chaque jour, s'abstenant de la femme, de la cigarette, ça c'est mondain. L'objectif qu'il avait en tête, c'est l'or, le médaille d'or. Il les a gagnés dans toutes les disciplines. Il les a gagnés et battu les records. L'apôtre Paul dit que nous le faisons pour des couronnes incorruptibles. Mais il dit nous le faisons. Ça veut dire que nous faisons cette discipline sévère là sur nous. Quelle est cette discipline sévère? Qu'est-ce qu'il a dit? Vous voyez de quoi les questions, n'est-ce pas? Donc imposons-nous des disciplines sévères pour pouvoir obtenir la cause. D'accord? Amen. Que Dieu vous bénisse. Et quand il dit que vous traitez... On a répondu ça dans un autre enseignement. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu que vous descendiez là-bas. Il traite durement son corps comme ça, justement. Il tient à sujetir son corps. C'est-à-dire que ce n'est pas votre corps qui va vous dire que non. Comme il a senti le plat d'un dollar, là, il faut qu'il coupe le jeûne. Dieu va comprendre. Si vous devez lui dire, tais-toi. Il ne dit pas qu'il va être rejeté. C'est pour dire qu'il faut que la course, qu'il coupe comme ça, pour que quelqu'un d'autre ne remporte pas le prix, mais que ce soit lui qui remporte cela. Des questions? Oui, est-ce qu'une femme chrétienne peut faire ce qu'on appelle les gommages, les mettre les masques sur le visage? Bon, c'est pas prendre soin de son corps. Tu es devenue sorcière, ma soeur. Les masques, ce sont les gens qui dansent, les trucs qui font ça, non? Oui, il te dit, les masques sous, peut-être c'est d'enlever le gras sur le visage, après on enlève, et puis on nettoie. Mais tu te laves aussi, non? Oui. Mais c'est un problème. Ne me faites pas dire des choses que je n'ai jamais dit sur la terre, si haut. Des questions, ma soeur. Non, mais la soeur, tu vois comment ton visage brille là depuis un certain temps. C'est fort, hein? Que Dieu te bénisse. Et que ce qu'il fasse briller cette chose-là dans ton foyer et sur la face de ton mari. Amen. Amen. Merci. Des questions? Je crois ma question. J'ai une question. À quand vraiment la deuxième partie de. Je ne sais pas si nous sommes prêts pour recevoir cette nourriture, mais. J'ai besoin d'entendre ça. La deuxième partie de l'enseignement, les déchets ici, les dénominations. Encore la deuxième partie, frère. Je sais que c'est quand alors. Moi, je ne sais pas. Il y a seulement la première partie là-bas. La partie du nettoyage, frère. La première partie a bien été nettoyée, n'est-ce pas? Oui, ça a été, franchement, l'un des enseignements où je me suis assis, j'ai dit ça, c'est le Saint-Esprit qui parle. C'était vraiment top. Que Dieu te bénisse. La soeur Karine, you have the floor. Oui, c'est déjà hors contexte là. J'ai écouté le témoignage du chef Wachi. Le roi. Et il a parlé. Le roi. Il a parlé de réincarnation. Mais c'est son problème là-bas. Quel est ton problème aujourd'hui? Non, mais moi. Pourquoi toi tu n'as rien dit? Tu écoutais. Des questions. Tu écoutais, tu faisais seulement. Oui. Tu voulais qu'il dise quoi? Et donc, non, je pense que comme tu n'avais rien dit, c'était que. C'est vrai ou quoi? Tu vois, je me suis posé la question. Il fallait que je te demande ça. Si tu poses la question, ça montre qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Hein? Ce n'est pas seulement ce qu'il a dit. Il a dit qu'il adorait les enfants. On adore aussi les enfants, non? Non, il a dit plein de choses. Mais moi, ce qui m'a le plus frappé, surtout qu'il disait qu'il croit en Dieu, mais en même temps, tout ce qu'il y avait à côté. Comme nos parents disent qu'ils croient en Dieu, mais ils font la tradition. Des questions? C'est l'entretien avec le roi. À quand le Canada? prier pour le Seigneur, prier le Seigneur, prier, d'ouvrir. Vous savez, vous voulez que votre soeur voyage avec le ventre comme ça? On va même pas permettre. Voilà. Là, c'est fini, elle peut même plus voyager. Elle va seulement sauf qu'accoucher. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Il y a aussi un enseignement qui me démange, frère. L'enseignement sur la brèche, frère. Sur la brèche, la brèche. Laissons la brèche d'abord, travaillons dans la chercher la face de Dieu. Peut-être en cherchant la face, il va te montrer la brèche. L'enseignement, frère. Vous voulez savoir quelle est la brèche, n'est-ce pas? Mm-hmm. Le frère Camille, là, il ouvre ses oreilles parce que lui, il va entendre cela. Le frère Camille. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Il faut qu'il ne puisse pas me reposer, je prie, parce qu'à 9h, je dois travailler. D'abord, à 6h, je dois aller au champ ici pour cultiver. À 9h, je dois travailler avec la France. Frère Julien. Oui, ma soeur. Est-ce que je dois méditer sur la question que tu m'as posée? C'est pas une méditation. Il y a quelqu'un qui a perdu une jeune fille. C'est une jeune petite fille à très bas âge. C'est pas normal. Cette mort, ce n'est pas normal. Ce sont des prières. D'accord, ma soeur. Elle est où là? Peut-être que je n'ai pas connaissance, peut-être, ou je ne sais pas. Voilà. Une jeune fille a perdu un jeune petit enfant, c'est une petite fille. Une petite fille, en très bas âge. Cette mort, ce n'est pas normal. Dès qu'on voit, tu vas détecter cela, il va revenir vers toi par rapport à cela. D'accord? D'accord. Parce que peut-être il faut que je. C'est comme il faut que je me remémore certaines situations, mais je ne me rappelle vraiment pas. Le Saint-Esprit va m'aider, je ne sais pas. J'ai réfléchi à ça, mais je ne sais pas. C'est parce que le froid et la neige du Canada congèlent le cerveau. Je crois qu'en méditation, ça va faire. Ça congèle tout. Quand vous allez revenir, que le Seigneur vous bénisse. Le frère Camille, je vous aime. Dieu d'amour sincère. Ma prière, c'est qu'on se retrouve ces jours-là dans la gloire. Nous sommes sur la route. Si à tout moment, il y a une interruption sur le plan mondial, une interruption, le Seigneur fait son entrée, sachez qu'on va y aller. On sera là-bas. Amen, frère. Je sais juste la parole de Jésus. On sera là. D'accord. Même si je ne sais pas, c'est ce qui est dit. On sera là-bas. même si tu n'arraches ou tu n'arraches pas, on sera là-bas. D'accord? C'est ce qui est dit. Et il a aussi dit qu'il faut veiller. Et pardon, si les étoiles disparaissent un jour, pardon, les étoiles là sont notre repère. Laissez mes étoiles. Non, tu parles des étoiles. Si la lumière du frère s'éteint pendant des jours. On n'a pas de nouvelles. Non, franchement, cette semaine-là, mon cœur n'était pas dans la paix parce que vu. L'information que j'avais aussi suivie, je ne sais pas que vous avez été cabulé, ça m'a vraiment déboussolé. Bon, c'est vrai qu'après, ce n'était pas vraiment. Mais plus souvent, comme ça, il faut réagir, frère, pour nous rassurer que vous allez bien. Mais voici, non, ma soeur. Nous allons bien par la grâce du Seigneur. Bon. C'est pas ça. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur, sa main a été sur nous. Comme cela a été sur le frère Camille, c'est pour ça que le Seigneur préserve les siens. Donc on a eu à quitter, parce qu'on a coupé la lumière, il y avait tellement la chaleur, on est quitté, je vous coupe court. On est sorti là, 20 minutes après, les bandits sont venus. Ils ont dépouillé toute la cité. Et nous, on m'a prévenu, quand on est arrivé là-bas, je suis rentré, appelant la police, on était tous dehors ici. Donc si nous avions été là, on devait nous cambrioler. Et Dieu le fait. Sans nous dire et sans faire. Mais un an avant, j'ai dit à ma femme, il doit faire un cambriolage ici, mais je ne sais pas quand. Il doit faire un cambriolage. Mais Dieu, le moment venu, il fait comme il veut. Que Dieu vous bénisse. Amen. Une dernière question. Bonsoir, le bonsoir de ma soeur Monique. Dieu dit bonsoir. Et recevez le bonsoir. Je crois qu'on aura le temps. Bon, le frère Francis, il a dit de dormir, il est fatigué. Autre soeur, il a dit de dormir. Non, frère Francis, frère, excusez-moi, c'est celui qui était d'abord pasteur là. C'est lui qui était d'abord pasteur. Ouais, tu veux que ce moment ça part, qu'il passe sur Bamba Iba. Non, parce que je crois avoir suivi cette voyage qui était d'abord pasteur et puis il a tout abandonné. Donc c'est le frère Francis. Donc, oui, c'est le frère Francis du Maroc. D'accord. C'est le bénisse. Bon, personne ne veut vous dire bonsoir, tout le monde dort. Non, c'est tard, frère. Il faut pas les réveiller. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Y a-t-il encore des questions? J'espère qu'il n'y a plus de questions, il n'y a plus d'interrogations. Frère, j'ai une dernière interrogation, elle n'est pas longue. Oui. C'était l'enseignement sur Jésus est descendu. Le Seigneur Jésus est descendu. Aux esprits en prison. Oui. Oui. Ma question sera portée à Romains 2, verset 12. Oui. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sous la loi. Oui. Tous ceux qui ont péché sous la loi périront sans, aussi au vrai. Périront sans la loi, mais ce n'est pas sous la loi. En sans la loi, c'est vrai. Mmh. En péché sans la loi, c'est bon. Est-ce que c'est surtout pour ceux-là aussi qui étaient ces bébés et qui n'ont pas écouté l'évangile? Parce que j'ai pensé à mes arrière-grands-parents. tu veux déjà aller les sauver? Tu veux demander si jusqu'à les aller sauver? Hein? Non, si ce verset-là se ramène aussi à eux, parce qu'à l'époque de l'évangile, il n'était pas aussi annoncé. Il a dit tous ceux, donc ça se révèle à tout. Et la Bible déclare, ce qui est merveilleux, c'est dans 2 Timothée chapitre 2, verset 19, il dit que le Seigneur a ses paroles qui lui servent de sauveur. Le frère Camille, ton micro est fermé. Si tu es obligé de parler, on ne t'entend pas. Tu nous entends? Oui. J'avais au moins ces deux ou trois questions là avant que, mais c'est. La soeur, je pensais que je parlais et on l'écoutait, mais la soeur quand même m'a devancé là. Oui, sur cette question là, ok. Bon, je la réponds alors. Oui, réponds là, oui. Eh bien, donc, dans ce livre de Romains, chapitre 2, verset 12, j'étais en train de dire que la pleine révélation est donnée dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Là-bas, il est dit que le Seigneur a ces deux paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Voici ça, ma soeur. Donc, mais voici la révélation. Mm-hmm. Tes arrière-grands-parents que tu as en train de dire, ils ne remontent pas à plus de 1500 ans. Christ, lui, il est mort il y a cela 2000 ans. Donc, ici, il est mort pour ceux qui étaient devant. Est-ce que par rapport à l'évangile, est-ce que l'évangile était prêché, c'est pas? Je pose la question, ma soeur. Quand Jésus est né à Jérusalem, tu penses que dans son voisinage à Israël, là, le jour où il est né, tu es sûr, nous sommes d'accord qu'il y a eu une mortalité ces jours-là, non? À Jérusalem. Mm-hmm. Quand il avait 12 ans, pendant qu'il allait au temple, à Jérusalem, ces jours-là, les gens sont morts, non? 13 ans, 14 ans, les gens sont morts, non? Il y a des paralytiques qui sont morts, des gens qui sont bien pourtant qui sont morts. Mais à 30 ans, lorsqu'il a commencé son ministère, on commence à le voir à l'œuvre. Il a commencé à sauver ceux qui veulent sauver. Donc, quand il était vivant, là, il voyait tout autour les gens qui mouraient tout autour de lui. Pourquoi il ne faisait pas quelque chose? Ceux qui sont destinés pour la mort iront à la mort. On ne peut pas éviter cela. Dieu ne nous a pas donné de chercher ceux qui sont sauvés, de chercher ceux qui vont entrer ou ceux qui peuvent entrer. Quand quelqu'un pose la question à Jésus, il dit qu'il n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés. Il a dit, efforcez-vous de quoi? D'entrer. Donc, oui. Au lieu qu'il se concentre sur lui, il est en train de dire, mais le nombre de ceux qui vont entrer, c'est combien? Il dit, efforcez-vous d'entrer. D'accord, ma soeur? Quelqu'un m'avait dit un jour, quand j'étais à l'université, il est sorti, il est en train de prêcher dehors, il est sorti avec sa cigarette, il fumait du mal. Il dit, frère Junior, j'ai une question. Il dit, quelle est la question? Il dit que le sort de Judas, ce sera quoi? Iscariote. Il dit que maintenant, Judas, le sort de Judas Iscariote, oui. Il dit, s'il est censé aller en enfer, s'il est en enfer, qu'est-ce que ça te fait maintenant? Quel est ton avantage de connaître ça? Et s'il va le parler, quel est ton avantage? Vous voyez? Donc, au lieu de chercher ça, il a la cigarette entre les mains. Il ne se pose pas la question que Junior, si eux-mêmes, maintenant, je vais aller au meilleur chef pour Judas Iscariote. Des questions? Dans Hébreux 10, on nous parle de la loi qui, en fait, sous la loi, on pouvait faire tout avec le sang. Mm-hmm. Et puis on utilisait le sang des boucs et des agneaux. Ce n'est pas seulement sous la loi, c'est tout. Que ce soit sous la loi ou sous la grâce. Mm-hmm. Voilà. Parce que maintenant, sous la grâce, c'est le sang de Jésus. Mm-hmm. C'est ça, non? Absolument. Mais la question que moi, je me suis. Voilà. Pourquoi sous la loi, c'est le sang de ces animaux-là qu'on utilisait, donc les boucs et les agneaux? C'est parce qu'eux, ils n'étaient pas. Ils ne pêchaient pas. Les animaux ont-ils commis le péché, ma soeur? C'est justement la question qui m'est venue. Mais pourquoi ces animaux? Parce que, étant donné qu'on utilisait le sang, ça nous purifiait. Ça ne purifiait pas. Ça couvrait. Okay. Ça couvrait, d'accord? Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Verset. À partir du verset 1, il est 3h41 ici à Douala au Cameroun. Il faut qu'on te laisse aller dormir. Non, c'est pas ce qu'il dit. C'est m'a donné l'heure, ma soeur, mon frère. Genèse chapitre 4. Oh, Adam connut Ève, sa femme. Non, rassurez-vous, oui. C'est pas le péché originel dont je vais parler. Je vais en aller pour répondre à la question de notre soeur. Non, pour moi, il n'y a pas un problème. Même si tu vas encore décortiquer ça, il n'y a pas un problème. continuons jusqu'en bas. Oh, Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par Yahweh. Elle enfanta encore Abel, son frère, et Abel fut berger et Caïn laboureur. Et il arriva au bout de quelque temps que Caïn offrit à Yahweh une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, offrit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Yahweh eut égard à Abel et à son offrande. Mais il n'eut pas égard à Caïn ni à son offrande. C'est bon. C'est bon. Nous sommes ici dans la Genèse, n'est-ce pas, mon frère? N'est-ce pas, ma soeur, oui, qui a posé la question? Qui a dit à Abel qu'il faut offrir cet animal-là avec sa graisse? C'est le Seigneur. Il a dit ça où? Peut-être qu'il doit l'appeler dans leur cœur, oui. Mais non, il a écrit sur le cœur d'Abel, là, ici pour Caïn, alors. La révélation. Bon, mais le problème, il y a deux problèmes qui se situent d'abord. Les deux viennent au culte et ils ouvrent. Dieu refuse une offrande et prend une autre. Mais aujourd'hui, maintenant, on dit que même les prostituées donnent seulement, même si c'est un peu qui est donné seulement l'argent, c'est l'argent, on va sanctifier, n'est-ce pas? Bon, maintenant, regardez. Dieu n'agrée pas l'offrande d'abord. Vous avez remarqué dans ce passage-là? Mm-hmm. La Bible déclare dans la version 8 secondes, l'Éternel porta un regard favorable à Abel et à son offrande. Alors, la question c'est, qu'est-ce qu'il regarde comme favorable à l'intérieur d'Abel? Ce qu'il regarde à Abel ne se retrouve pas en Caïn. Je ne sais pas si c'est ici. Il n'a pas accepté. Il n'a pas regardé à son offrande. Ce n'est pas son offrande qui est le problème. Vous savez qu'Abel était un prophète, n'est-ce pas? Oui. Ok. Donc, Abel savait. C'est un peu comme Job. Vous voyez, Job se trouve dans une période où il n'y a même pas la loi. Parce que Job, le livre de Job est avant Moïse, n'est-ce pas? Vous l'avez dit. On ne savait pas. Le livre de Job doit se situer aux alentours de lui, d'après Noé. Donc à ce moment-là, c'est à cette période de Noé que Job doit être. C'est parce qu'on ne peut pas couper Genèse chapitre 6, on met Job là-bas avant de continuer Genèse chapitre 3, ainsi de suite. Ça doit se retrouver là-bas. La question c'est, et ce n'est même pas un juif pour commencer. La question c'est, comment cette femme, comment tu dis, la soeur de... La question c'est, comment cet homme s'est fait pour savoir qu'il faut donner des sacrifices à l'Éternel alors que ce n'y a pas de loi à ce moment-là? Comment? Vous voyez, Noé, quand Noé sort de l'arche, première chose, il fait une offrande, un sacrifice, il construit l'autel pour immoler. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc ces choses-là sont écrites. La seule pose la question, pourquoi ce sont ces animaux qui sont donnés? Ce sont les animaux inspirés de Dieu parce que c'est son symbole à lui. Parce qu'en réalité, avant de créer la terre, il a immolé un agneau. Il implémente ça dans les prophètes pour dire que c'est l'agneau qui lui est agréable. Je ne sais pas si tu comprends. Parce qu'il présente ces images sur la terre pour par la suite ériger ça en loi et pour que le parfait puisse venir. Donc il donne la révélation de quoi offrir. Mm-hmm. Voilà, que Dieu vous bénisse. Oh. Et ces révélations-là, on ne peut les avoir que si on s'applique à chercher son cœur. Ce n'est que comme ça qu'on peut connaître ce que l'Éternel attend de nous. Il y a des révélations qui donnent sans ton avis. Quand tu dors, par exemple, tu songes, tu pries pour avoir les songes. Il y a des relations que pour avoir avec lui, tu dois entrer dans cette dimension-là. Vous voyez dans dans le livre de Genèse, chapitre 35, lorsque il se révèle à Jacob, il dit, monte à Bethel et bâtis un hôtel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Esaü. Jacob se tourne vers sa famille. Il dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Donc, il marchait avec les dieux étrangers au milieu d'eux. Il a fallu que Dieu dise, monte à la maison de Dieu. Et s'est prosterné. Et là, il voit effectivement qu'il comprend que pour entrer dans cette dimension avec Dieu, il faut se séparer avec les dieux étrangers. Il pouvait être là-bas, mais Dieu continue à lui répondre quand même. Mais à un moment donné, donc, il comprend que pour avancer, il faut se séparer de cela. D'accord, ma soeur? Donc, on voit effectivement que la relation avec le Seigneur, plus on est poussé, plus on se débarrasse des choses. Que le Seigneur vous bénisse. Frère Junior. Oui. Merci. Est-ce que dans la semaine là, tu peux me donner 2 heures de ton temps? Si je l'ai. Ok, tu m'envoies un message, je vais t'appeler. Amen. Ok, frère. Frère, c'est comme ça qu'on coupe. On dit même pas au revoir. Je sais. Hein, comment ça? Je sais. Alors qu'il a dit que vous aimez juste à. Ouais, là, c'est vrai. Flore. Je ferai de ma faiblesse l'occasion de son secours. Et pas à pas se fera un chemin de vie en moi. Un chemin.